Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Oh, je bouge plus. Oh, je ne bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh, je bouge plus. Oh. Ah. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'apéro original. Hein, c'est spontané. Je suis déjà la spontanéité. On en est qu'au deux. Deux ou deux, je suis déjà en train de calancher, quoi. C'est fou. Non, mais parce que du coup, vu que je dis 10, mais on continue de parler sur un autre sujet, et du coup, le jingle se termine et fait ah oui, il faut que je dise. Ça fait quand même deux, du coup, un espace de le dire d'une fois. Oui, mais parce que faut le compter ou pas, parce que sinon, vous n'avez pas fini. Hein. Donc, je suis toujours seulement en compagnie de la Mafia 81. Ouais, on est revenu à notre. On est un peu, tu sais, à la fin des Super Sentai, tu vois. Mmh. Quand c'est notre Power Rangers blanc ou vert, hein, il est décédé, là, Tocheux. Il nous a légué son. Je sais pas comment il va le prendre, ouais. Ça. Il nous a légué son Megazord en nous disant faites-en bon usage et tout. Et là, on est en train de se battre contre le méchant final et on est revenu dans notre trio traditionnel, quoi, tu vois. Sauf que dans les Super Sentai, ils sont 5, donc c'est pas un trio. C'est un quintet. Donc, la voix, vous l'avez bien reconnue à l'accent, c'est notre ami. Surtout David. Dandalf. Surtout David. Surtout David et Madame Tocheux. Hein. Voilà. Dupin. Et Béa. Dupin. Et il y a aussi, du coup, s'il y a l'un, il y a l'autre de la partie. Il y a Alain. Il y a l'autre, notre ami. Alain, Astor. Ça veut dire Anus. En... Salut. Pardon. Donc au programme de ce numéro, donc dégustation de bière, une enculerie de la part de Monsieur Gandalf. Après, pas sur celui-là. Non, là c'est legit. Là c'est une enculerie normale. Ouais. Une question aux invités que vous avez entendu en introduction. Le quiz de Monsieur Asto. Oui. Et pour finir, une petite musique que vous savez pas laquelle que c'est parce que je l'ai pas noté. T'avais tellement paniqué à trouver une truc que t'as tellement paniqué à ça. Ouais, parce que merde, il faut que je trouve une musique. Merde, il faut que je trouve. Du coup, elle est même pas sur le conducteur. Ah, bravo, elle est monsieur. Pas sur le conducteur, rien à foutre. Alors ça, c'est un podcast bien préparé, monsieur. Oui. Et vu qu'on est donc dans la partie préparation et tout ça, donc je vous rappelle qu'on est normalement diffusé au mois d'août, parce que c'est le numéro du mois d'août sur trois canaux sur. Mais au mois d'août, tu me rassures, au mois d'août. Oui, 13-2 mois d'août. Ah non, tu sais, faut pas mentir aux auditeurs parce que c'est pas une référence après. Ouais, mais attends, le podcast, tu peux l'écouter quand tu veux. Donc déjà dans le moment, ça crée déjà une. C'est-à-dire qu'on peut se mentir à soi-même. En tout cas, ça, c'est l'épisode qui sort au mois d'août. Ouais. Donc c'est l'épisode du mois d'août. Donc c'est le. En fait, on est au mois de juin, on vient de passer la fête de la musique. C'est ça. On s'est fait sucer la trompette. Pas du tout, les amis, les lapins, c'est gentil, là. Sur. On s'est fait sucer le portefeuille surtout parce que. Oui. Putain, c'est 4,50€ à la bière. Ça picote un peu. Vaut mieux aller à B&B. Oui, pour double raison. Donc, triple raison, même, parce que je reprends ce que j'étais en train de dire. Donc, Pod Radio, trois canaux, podradio.fr, écoutez, donc c'est Gamma, Delta, Tango Charlie, Papa, Youplay. Mappa. Ensuite, donc, Pod Rennes 2019, donc les 20 et 21 avril 2019. Je trouve que le pire, j'ai même pas donné la date. De toute façon, les gens qui sont morts là. On a dit qu'on reprendrait à la rentrée, donc ça sera septembre, donc ça sera pour le 13-3. C'est toi. Voilà. Merde. C'est ça. Donc regardez sur podren.fr pour avoir toutes les informations. Parce que quand tu tapes Podren sur Google, tu tombes sur Podren. Oui, c'est, et c'est bien fait les mots. C'est bien référencé. Hein. Et, t'as vu ça hein. Les mots-clés, tout ça. Donc ensuite, petit rappel. J'aurais pas cru. Donc à l'occasion de notre version shooter, on a enregistré un épisode spécial apéro original version shooter sur la bière. À cette occasion, on a eu une interview de la part de Lucas de chez Beemaker. Donc pour revenir un petit peu sur la bière, écoutez-le pour vous instruire ou pas. Très sympa, il était en direct live du Festival de Lyon. Lyon Bière très Festival. Sympa, bon effet, ouais. Et donc à cette occasion, en fait, on a un code promo qui vous donne 15% de réduction sur toute votre commande Beemaker, donc sur beemaker.fr. Et le code promo est apéro original, tout attaché avec un accent et un E final à original. Et pas de point médian. Parce que non, parce que c'est cette blague a toujours été faite après le code. Voilà. Donc, voilà. Ce serait quand même con que ce soit qu'il utilise le code promo. Quoi. Oui, mais voilà, vous avez jusqu'en 2000, je sais plus combien, 2020 pour l'utiliser. Putain, on va le citer longtemps en fait. On peut le citer longtemps. Ah oui, un code par personne, par compte. Donc vous pouvez vous créer autant de comptes que vous voulez, mais si vous voulez gruger comme des connards. Alors que le code se faire enculer par Gandalf peut pas être toujours utilisé depuis 2000, jamais. Depuis l'âge de pierre. Donc maintenant que cette partie là se faire enculer par Gandalf. Hein, ah pardon, je vous rends compte. Non. Donc voilà, apéro original, le code promo, tout ça. Donc Beemaker, oui, parce qu'on n'a pas expliqué, on a donné le code promo, c'est pour pouvoir faire votre propre bière chez vous à la maison. Assez facilement parce que j'ai vu faire Asto et c'était assez facile au final. Un peu inspecteur. Ça prend du temps. Voilà, c'est juste le temps de le faire, mais sinon oui, c'est. Oui, après, il y a pire. Faut compter une demi-après-midi. Ouais. Une grosse demi-après-midi. Ah oui, quand même. Ouais. Ça se trouve. C'est quand t'as envie. Oui, c'est comme quand tu fais de la cuisine et tu fais un gros truc. Ça te prend l'après-midi et tu le fais. Voilà. Comme quand t'as la copine qui vient à la maison. Voilà, ça te prend l'après-midi aussi. Et donc, du coup, on va passer à la partie. Ça te prend que l'après-midi. Ça te prend que l'après-midi. Partie ça va houblon, dégustation de bière. C'est bien houblon. Oui, bah c'est bon. Ce titre, ça fait trois ans que l'émission est réalisée, on se rappelle toujours. Mais sur le conducteur, c'est marqué c'est bien houblon et moi, c'est marqué ça va houblon. Donc, du coup, jingle. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais goûter. On va goûter. Allez, folle. Donc oui, surprise, je vais donner le décapsuleur de la destinée à Monsieur Gandalf. Oui, parce que tout à l'heure ça aurait commencé. Donc j'ai fait commencer à Sto. Ah ouais, c'est toi qui file en fait. Bah oui. Ça fait c'est toi qui commence tout à l'heure. Mais... Alors vous le savez, j'ai deux passions dans la vie, donc être pauvre. On est une malheureusement un petit peu. Emmanuel Macron m'aide dans cela de toute façon, donc voilà. Hein, l'histoire se finit comme ça. Et du coup, elle est à Lidl, hein, qui est un et deux autres. Et par fait de cause, je suis tombé sur une bière qui s'appelle Ardwen, qui vient des Ardennes. Et c'est une bière quand même World Beer Awards France Winner pour 2017 tout de même. Ça va. Donc, intrigué par ce... Par l'étiquette, voilà. Intrigué par la colle de l'étiquette. Je me dis, mais qu'est-ce que t'es cop ? Donc, c'est une Ardwen Obscure. Bière artisanale des Ardennes. De haute fermentation. Alors, c'est donc c'est une triple fraîche. Réconfortante. Dieu sait que ma situation en a besoin. Donc, une bière triple fraîche et réconfortante à la fois. Elle semble légère à l'attaque, puis prend de l'ampleur sur un côté céréal très ouaté. Non, c'est un peu. C'est la ouate qu'elle préfère. Ouais. Ah oui, c'est du veuteux. Voilà. du veuteux, je veux rien. Moi, je veux rien. Vous aimerez cette sensation de douce puissance qui s'étire avec tendresse sur les fruits exotiques, idéal pour accompagner une cuisine épicée. Regarde ce qu'il y a sur la table. du couscous. Ah, à Noël. Ça peut aller très bien avec le couscous de Noël. Ah, il y avait le pimpon qui passe. Non, mais du maroilles, du comté, ou du chocolat noir. Et surtout, à boire au gré de vos envies. Ouais, parce que sinon, quand t'as pas envie de boire de la bière... Bah t'en bois pas. Tu bois de la flotte à la radio, tu fais chier. Pour une meilleure dégustation, conservez-moi debout. Et à l'abri de la lumière, alors elle est au malt d'orge ou blond, mais à la levure, il y a un... Ah non, je crois qu'il y avait un tiré, en fait, c'était c'est une écorchure sur... sur le truc. Et elle est interdite à Sig Weaver, parce que de toute façon, elle n'a rien à foutre dans son vaisseau, on peut pas l'entendre crier, donc tu peux l'enculer, on l'entendra pas crier. Oui, je sais, je dis des blagues dégueulasses. Ouais, c'est pas très raisonnable. Gandalf et la tendresse, je me marre. Tu sais bien que la première que je vais attraper... La prochaine, pardon, pas la première. On pourrait croire que... C'est... Oh, la il y en a eu trois. Hashtag prochain épisode, je vais tout vous raconter. En large, en long et surtout en travers. Déjà trois fois plus que d'autres. De quoi? Non, vas-y, serre-toi. J'ai pas entendu, mais je... Tu m'écoutes sur... C'est une blague de deuxième écoute. D'accord. C'est pas qu'à ce game écoute, je vais vous... Je me suis éclairci la voix, c'est tout. Pourquoi t'avais des glaires? Où j'ai tenté le diable? Oui. Alors, ma Ardenne Hop Cuse, qui est une triple, donc, elle a une couleur assez... assez brune, ouais. Puis c'est bien dans ta... Parce qu'on a forcément les shops apéro original. Oui, t'as bien. La moitié du verre qui est de la bière et l'autre moitié du verre qui est de la mousse. C'est 50-50. Ça, c'est du faux col. Vous me connaissez avec la mousse. Hein. Donc, c'est toi qui as présenté. Donc, tu vas te faire... champouiner. Champouiner. Et donc, je repasse le décapsuleur du destin. On l'a mis à ce tour. Merde, j'ai raté. Tu veux, il en reste un bout. Ah, qu'est-ce que tu veux? Le verre. Le verre? Oui. Pourquoi? Parce que tu verras peut-être un jour. Tu vas giquer dedans. Alors, je vais ouvrir ma bière. Mais avant, je vais vous conter son histoire. Je sais pas ce que t'as fait, je veux pas savoir, le verre. Donc, j'ai pris une bière d'une brasserie qu'on connaît un petit peu. Une brasserie qui se situe du côté de Angoulême. Qui fait une bière qui s'appelle la Big Boy. Une bière qui s'appelle la Slap Banker. Je vois pas. Une bière qui s'appelle la Cognac Barrel. Je vois pas. La Lindy Hop. Je vois pas. Bon, tu fais chier. T'as qu'à savoir. Donc, hier, à notre grande surprise au bien. tu parles de la... Ah, pardon, non. Non, je ne parle pas de la serveuse rousse. on a vu des bières de la brasserie La Débauche qu'on ne connaissait pas encore. Donc, Les bières de la gamme, entre guillemets, puisqu'il y en a plusieurs qui portent un peu cet intitulé. Non, ce n'est pas Margot aux cheveux, ben non, pas Angoulême. Non, c'est La Débauche, bien sûr, La Débauche. On n'a pas vu la porte, là. On n'a pas vu la porte de la brasserie La Débauche. Un jour, peut-être. Mais... Et donc, j'ai pris la Wild Lab Pêche Romarin. Donc, ils ont fait une gamme Wild Lab où ils ont fait plein de bières un peu test. Donc une hopi, une houblonnée, la hopi sour, ouais. Donc celle-là qui est la sour pêche romarin, et je crois que j'ai vu sur un tapt qu'il y en avait une ou deux de plus que je connaissais pas. Ah, donc à voir, qui sait, pas chez V&B. Peut-être un jour on fera un pont humanitaire. Donc voilà, donc j'ai pris la Wild Lab de La Débauche à la pêche romarin, donc on va tester ça. Donc une petite bière avec un ABV de Je l'ai même pas dit, moi, 6,5. Et moi, voilà. C'était 8. Et je peux même rajouter que pour la mienne, c'était médaille d'or Lyon en 2015. C'est pas là que tu es allé, là? À Lyon, mon coco? En 2015, hein. Là, c'était la troisième année. J'y suis allé la première, donc 2015. Ah bah voilà, donc c'était ça. Donc peut-être. Et elle est deux fois le country, comme le Kinder, winner du WBA de Londres. WBA, c'est World Beer Award. World, ouais. Non, ça chie l'idée. Comme quoi, des fois. Oh, j'ai hâte de voir la robe là-haut, ça m'a l'air joli. Moi, ça elle mousse ne pas mousse beaucoup, pas mais... du tout. C'est une bière qui ne mousse pas. Je vois la robe. Oh, une fois de plus, elle avait une robe très... C'est joli, Yvon. On a un peu la même, ouais. Hein, visiblement. Elle est un peu plus, la mienne un peu plus. Ouh, là, sens-moi cette bouteille. Où je vais sentir ça sent la pêche. Ça c'est depuis longtemps que j'ai pas senti une pêche. Ça sent la pêche à plein nez. Vous l'avez? Moi c'était il y a plus longtemps, mais ça sent quand même la pêche. au sein de la pêche. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Il a dû sortir la pêche. Ah oui. Je pense que ça va être à la fois fruité, mais pas sucré. Ouais. Ce qui est. Donc c'est à Monsieur Zertoff, c'est ça? Oui, c'est moi. C'est fruité mais pas sucré. Vous parlerez pas des bières d'une certaine brasserie 48 peut-être? Bientôt peut-être. Donc on était sur de la débauche et ouais. On va continuer sur de la débauche. Et celle-ci donc c'est la saison. Et toute cette débauche, moi, ça manque un peu de prune. Donc, la prune, on a dit qu'on arrêtait. Oh, qui t'a dit ça? Moi, j'ai dit que j'arrêtais, en tout cas. J'ai décrété que la prune... Donc, c'est une chanson gothique, belle épousée, je t'aime de tes pleurs. J'aime tes pleurs, c'est la rosée qui sied aux fleurs. La belle goûte chose, le sel de mes larmes. Non qu'un printemps, ce monde rose, le pas du temps. Soit brune ou blonde, il faut-il choisir, le dieu du monde, c'est le plaisir, de Gérard de Narval, aux toilettes. Aux toilettes. C'est une saison de la débauche, interdit à Sigourney Weaver, je lis sur l'étiquette que c'est de la bière, merci Captain Evidence. Et que je vais bien kiffer ma race capitaine dessus. Evidence, c'est pas un Captain Evidence. Capitaine Foucault. Joue à. Tocheux sur le chat qui dit la prune qui fait mal au cul rien qu'à la regarder. Ouais, tu l'as pas goûté hier parce que maintenant c'est plus qu'à la regarder. Il y a un cinquième au mois de septembre, il m'a kiffé. Elle a un peu changé de goût. Ouais. Mais pas en bien. Non. On va falloir faire venir Tocheux. On va faire venir Jojo mais le faire passer sociétaire pour la finir. Ah oui, j'ai quasiment fini cette tequila. Je crois qu'il y en a qui, c'est ça. Je crois que tu te fais bâcher un peu. J'ai pas dit de Nerval. Ouais, je crois que t'as un peu mangé, je crois. Swinging in the ocean. Et du coup, on va se servir. The commotion goes into awesome. Alors autant la mienne ne moussait pas du tout, autant la tienne, il y a que de la mousse. Et ça se fout de ma gueule après, hein. Et ça se fout de ma gueule. Alors. Heureusement qu'on a des grands verres quand même. Grand verre, grande voiture. Moi, je vais laisser comme ça. J'allais prendre une photo. Narwhals. Donc, ça sent le caca. Je dirais plus l'herbe de Provence. D'accord, saison, c'est un truc un peu floral, un peu. Ouais. Oui, ça sent les fleurs. Ouais. C'est très floral. Ah oui, c'est pas safran, un peu un truc plus tournesol, un peu un truc d'une fleur un peu forte, tu vois, quand même, un peu caduné, tu vois. Pas, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un truc sur... Oh, mal d'orge, mal de blé, blanc, levure. Franchement, les gars, pourquoi on crée pas une bière avec des bouts de sigou dedans? On peut. Parce que je rappelle, j'ai une autre bière, moi, du côté, déjà. Donc, je vais attendre que ça baisse. Que ça décante. On va trinquer en attendant. Kanpai! Kanpai! Japanese motion deska! Je suis là! Kobikun des! Eh bien écoute, moi pour une triple. Eh ben franchement, si tu veux goûter, moi pour une triple, elle est bon, qui veut goûter, hein. Alors, je sais pas, c'est ouais, la mienne est, ouais, elle très est... légère, très florale. C'est pareil, ouais. Tu vois, pour une triple, je trouve qu'elle est pas trop. Je voyais pire, tu vois, en termes d'attaque. Je sais pas si c'est après la mienne, mais elle passe. Elle est toute douce. Ouais. Si Jones veut goûter. J'essaie de. Tu sais de déflorer la bière. D'avoir la. Ouais. Tu fais bien de déflorer la bière. Entre guillemets, entre la pinou, je vais attendre que ça descende quand un Zertoff cite Gandalf. Jamais. Quelqu'un veut goûter? Ouais. Elle est fruitée sur le début. Ouais. Mais. Oui. C'est vrai qu'elle sent. On est, ouais, et en bouche sur le début, elle est très fruitée. Après, c'est la levure, je trouve, qui reste beaucoup en bouche. J'ai l'impression. Ouais, alors, pas forcément la levure, mais comme pour l'été, des fois, tu sais, t'as vraiment le goût de ton thé aromatique, et après, t'as juste le côté infusion. Ouais. Et ouais, là, c'est le même effet que ça me fait. La grenadine. Ça n'existe pas, la grenadine. Ouais, donc bah moi ça descend un petit peu. Je sais pas si vous voulez goûter entre la mousse et... La mousse et le haka. Je bout de chip entre les dents, alors je vais chercher d'abord. Ouais, c'est floral. Ouais. C'est floral, ouais, très, t'as l'amertume un peu au blanc quand même, un peu au blanc ouais, floral. Moi je... T'as le houblon qui reste bien. Ah oui, qui reste bien, oui. C'est pour ça qu'on... il reste bien. Salut en fait. les fleurs, elles ont décidé de rentrer chez elles, mais le houblon, il fait l'after. Ouais, c'est ça. Et au fait, t'as pas de la place chez toi T'as pas sac de couchage. Mais après, tu le sens encore. Oui, le houblon, il a une grosse assise. Ouais, il sent pas vraiment l'élément. Du coup, c'est un truc qui apparaît, c'est... Il s'assoit. C'est ça, c'est coucou, c'est moi. C'est ça. Il se met sur le canard. Il y a tellement de passages à isoler pour faire un best-of. Alors, ça sera peut-être dans le dans l'audiogramme, hein, peut-être, on verra plus tard. Ah oui, le houblon, il reste. Là, il s'est installé, le houblon, là, c'est... Ah oui. Ah, et il est prêt à te lâcher une caisse parce qu'il fait comme chez lui. Ça serait pas l'audiogramme 12.2, ça, dis donc. Ouais, quelque chose, ça. Quelqu'un a arrêté d'enregistrer. Ça me rappelle... Donc, bon, c'est à la maison, c'est à la maison. Oui. Ça diront certains. Donc maintenant qu'on a passé donc au c'est bien houblon, on va passer à la partie enculerie numéro 1 de monsieur Gandalf. Dieu sait que la prochaine que je vais oublier, Dieu sait qu'elle va être obligée, comme le professeur Xavier, elle va être obligée de s'acheter un fauteuil. Et du coup, jingle. Agrume, mais... Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Du coup, trou de balle ou pas trou de balle? Ouais, on va dire oui, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. Sur un malentendu. En cas où qu'un mot dépasse l'autre. Hein. Sait-on jamais. Donc, j'ai intitulé mon dossier, alors je l'ai appelé doublage et traduction. Bon, c'est plus traduction. J'ai laissé un peu la part belle aux deux, tu vois, parce que des fois, les deux sont un peu un petit banlieue. Parce que bon, le doublage, il faut quand même un peu avoir traduit avant. Sinon, pas obligé, tu me dis, mais dans le but de mon dossier, c'est quand même un peu l'alpha et l'oméga, tu vois. Non, je vais vous citer un article de Le Point. Oui, je fais travailler la presse, hein, j'ai copié pas mal de choses. Ouais, et après Le Monde dans le premier, Le Point oui, ici. Je suis dit, on est corpo ici, on est corpo. Comment ça, on est corpo? Oui, je travaille pour les médias, moi, tu comprends, voilà. Et tu comprends bien comment tu crois que je me paie tous ces trucs sur AliExpress. Tu vois que dans le tronc, on va parler de courrier international. Ouh, un petit peu, oui, ça va dépasser un peu. Moi j'allais dire Valeur Actuelle, mais... On rappellera que Valeur Actuelle était possédée par le groupe Pierre Fabre. Ah oui, non, mais... Eh ouais, ça c'est Castro-Castré. Enfin, fidèle Castro-Castré. J'ai la peine d'aller chercher le jingle. Hein. Ah si, il est là. Ah, tu as retrouvé, ça y est! En fait, il était sur la même palette, je cherchais un autre. Donc, je vais citer Le Point. Donc, le 19 octobre 1977. Alors, peut-être que cette date va dire quelque chose à quelqu'un. Alors, ce n'est pas l'anniversaire de Taucheux, bien évidemment, tout ça c'était en 1851. Ne parlons même pas de l'anniversaire à Randall Flagg hein, et de l'anniversaire à Zafeu. Ça, Louis XIV, il n'avait même pas été. Il était même guillotiné. Pas mort. Guillotiné! Il n'a pas été guillotiné, ça tombe bien! Bref, je sais pas, bon, bref, vous avez compris. Donc c'était en 1977, il y a un film qui est sorti, alors je sais pas si vous le connaissez, ce film, en 1977 qui est sorti. Alors il y avait un homme qui marchait dans le ciel. 2h15 avant la naissance de Jésus-Christ. Non, il marchait dans le ciel, mais c'est de façon littérale hein, qu'il marchait dans le ciel. Ah, Star Wars. Oui, très bien, attends, il y en a qui suit là. Il y en a qui suit. Ouais, mais à quand la revue Minute hein, je crois qu'il y a quelque chose. Il marche pas dans le ciel. Sky. Ah, c'est oui, Sky, c'est le ciel. Skywalker. Oui. Ouais. C'est le marche-ciel. Voilà. C'est Luke, le marche-ciel. Alors, elle est sortie un film, bon, c'est Star Wars, bien évidemment, les gens ne connaissent pas. Il est peu de dire que les spectateurs français attendent avec impatience et curiosité de découvrir 5 mois après sa sortie américaine. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, maintenant, quand tout sort en même temps, c'est drôle. En gros, c'est ce que connaissent nos amis les Japonais. Hein. Quand moi, je suis allé au Japon, à l'époque, il y avait One Piece Gold, qui venait de sortir, et il y avait, je crois, un Avenger, je crois. C'est plus... C'est là, mais je vous emmerde. Je crois que Tocheu est un peu chaud, mais je crois que Tocheu... Zafeu. Ah, c'est Zafeu, hein. C'est Zafeu, c'est pas Tocheu. Ah, ça se termine pareil, mais le début... C'est ça, j'ai vu du coin de l'œil. Ah là là, c'est vieux, là là, qu'est-ce qu'ils sont revêches. Mais ça, c'est... Ils sont arrivés le pied dans la tombe. Donc, est arrivé, évidemment, Star Wars après sa sortie américaine. Donc, ça a été la surprise de l'été, hein. C'était un peu comme Transformers, mais mieux. Lequel Transformers? Ben, celui qui est, tu sais, où t'as les robots qui se battent et tu comprends rien parce qu'il y a trop de trucs qui se battent. Donc tu... Ah oui, donc le dernier avec les dinosaures qu'on voit à la fin. Il manquait qu'à deux filtres sur un dinosaure. Hein. Bientôt, ça va être un Jurassic World Cross Transformers. Et donc, c'est le film qui a révolutionné la science-fiction, je veux bien le croire. Hein. À l'époque, donc, la 20th Century Food. Veut mettre le paquet et impose un auteur adaptateur à la maison chargée du doublage dans la maison de Molière. À l'époque, le marché de la VO est strictement réservé aux adultes des beaux quartiers. Hein. C'est comme nous quand on allait voir nos films japonais de mer. Hein. Qu'est-ce qu'on en avait à péter? Rien à foutre. Et Star Wars, ce n'est pas exactement Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, donc, c'est un réalisateur un peu voilà. Hein. On fait des films intellectuels. Tu comprends bien que... C'est notre Jean-Louis Godard à nous. Enfin, c'est pas Jean-Louis, mais... Jean-Luc. C'est pareil. Jean-Luc. On va l'appeler Henri-Georges Clouzot, et puis il sera... C'est bon. Godard. Clouzot, inspecteur Clouzot. Mais oui, la Panthère Rose. Enculé, je viens de faire le rapport sexuel. Pardon. Il est cassé. Ah, vas-y, continue, parce que je vois pas le rapport. Cassé. Sexuel, c'est plein. Oui. Il était là. Donc c'est un certain Eric Kahane, je lis comme je dis. Mes messages, ils partent pas sur le chat, c'est chiant. Non, mais à part que Balado, il était pas. Soit ils partent pas du tout, soit ils partent, mais en fait, moi je l'ai affiché, mais il y a que moi. Oh, qui... moi tu sais, même pas besoin d'écrire pour que ça parte. Hein. Je te confirme, c'est pas parti. J'envoie un message, je refresh pour voir. Si j'aimerais un jour que quelqu'un me dise ça quand même. Je te confirme, c'est pas parti. Bon, d'accord. Ah, là, il est parti. Voilà. Ah bon? Oui. Il est cassé, Gandalf. Il est cassé, virgule. Non, il est cassé. Gandalf, oui, parce qu'il est cassé, virgule. Ah, alors, tu te fais bâcher par Zafeu parce que Ingrid Bergman, c'est une actrice, c'est Ingmar, le réalisateur. Ah, mais oui, putain! Oui, Ingmar Bergman. Mais putain, Ingrid Bergman, c'est vrai que c'est l'artiste. Je me disais, ouais, Lisa, j'ai fait beau. Alors, je sais pas si. En plus, Ingrid Bergman, c'est celle qui joue dans Casablanca en plus. Putain, mais je suis vraiment teubé. Il y a une certaine personne sur le chat qui dit Bergman, c'est le podcast Théo du cinéma. Ah bon? Peut-être. Oui, c'est vrai, mais celle qui joue dans Casablanca en plus. Putain, mais le mec, il est teubé. Bon, bref, c'est la bière. On dirait que c'est la bière. Il manque une marre. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui est nommé directeur artistique. Et forcément, quand t'es directeur artistique, bon, bah, t'es censé faire que tout colle ensemble, tu vois. C'est pas un peu l'autre qui. Ouais, j'ai le droit de dire que c'est le haut couteau de cuisine. Bon, d'accord. Donc, alors, en fait, ils ont décidé de faire des abréviations et tout le bordel. Et à l'époque, on en est donc arrivé à... Le titre français devient donc La Guerre des Étoiles. Sauf qu'en anglais, quand tu mets Star Wars, est-ce que tu mets un S à Star? Ben non. Ben non. Est-ce que tu mets un S à Wars? Oui. Eh oui. Donc, en fait... C'est les guerres de l'étoile. Oui. Donc les mecs se sont rendus compte que ça devait pas faire hyper joli parce que les guerres de l'étoile ça fait pas joli. Je sais pas, ça fait pas. Non, les guerres de l'étoile, non. Ouais, toi, les guerres pour l'étoile à l'arrière, un truc comme ça, ça fait plus joli à l'arrière, tu vois. Mais les guerres de l'étoile, ça fait pas joli. Donc les mecs ils ont dit, bon, on va faire la guerre des étoiles hein, parce qu'il y en a plusieurs des étoiles. Donc puis une guerre. Si on les met toutes bout à bout, la première guerre mondiale et la seconde c'est pareil, de toute façon c'était des gens qui étaient méchants, de toute façon c'était des Allemands, pourquoi s'emmerder à chercher d'autres fautifs. Bon, c'était un peu pareil, les mecs ils ont fait, alors c'est pas grave. Donc en quatre, comme il cite là aussi bien, en quatre mots on fait déjà un sacré contresens, hein, parce que déjà de plusieurs guerres on en fait qu'une. et de une étoile, on en fait plusieurs. Donc c'est comme si moi je disais que j'avais eu plusieurs copines alors que bon voilà. Passons à autre chose. Et après c'est bizarre aussi, Han Solo par exemple devient Yann Solo. Oui. Alors oui, parce que c'est un breton. Oui, puis c'est expliqué dans Star Wars Lego. Ah bon? En fait, il a un badge avec son nom. Ouais. C'est le H, il a tourné. Donc du coup, c'est marqué IAN au lieu de HAN. Pas de problème. Moi, je valide. Hein, je valide. Hein, je n'ai pas vu trop Star Wars Lego, donc je valide. Non, Han Solo devient Yann Solo parce que les Bretons. Oui. Les Bretons de l'espace, bien évident. Les Bretons contrebandiers de l'espace. Parce que vous savez, quand on en va voir un spectacle. Voir un match, je ne sais pas. Il y a toujours un drapeau breton. Et algérien, toujours. Algérien. Et aussi catalan, de temps en temps aussi, parce qu'ils sont toujours un petit peu partout. Et on se dit, putain, pourquoi il n'y aurait pas de contrebandier de l'espace breton, finalement? Parce que, regardez. Bon, dans le Falcon Millennium, on ne voit pas trop de drapeau breton, mais bon. De toute façon, il y a des boutons partout, donc faut pas mettre un drapeau. Après, le Falcon Millennium, est-ce que vous vous rappelez comment on l'a appelé? Le Millennium Condor. Eh oui, monsieur, c'était ça, le Millennium Condor. Je te coupe, rien à voir, mais il y a Barberousse sur Twitter qui dit « Vous faites chier, c'est bloqué au boulot. » Donc, balado direct est bloqué au boulot de Barberousse. Chez moi aussi. Pas nous écouter. Hein ? Chez moi aussi, c'est bloqué. Le flux passe. Ah bon ? Putain, je vais appeler les gens, mais je vais protester. Moi. Je vais appeler Emmanuel. Ce soir, j'appelle Macron. Ce soir, j'appelle Brigitte et je fais passer ça en vert. Ouais, il finit son tweet quand même. J'envoie Mahmoud vous faire babo. Voilà. Oh, ben c'est très doublage. Bah oui, justement. C'est très doublage. Hein. J'en ai pas parlé parce que j'ai eu quand même un peu des remords, mais bon, bref. Donc voilà, donc ça devient voilà, le Falcon Millennium devient le Millennium Condor. Et les vrais savent parce que moi, j'ai regardé la version cassette à l'époque. Oui, je suis peut-être un peu plus vieux. À peine, hein, vraiment à peine. Et surtout, chez moi, je regarde la version laserdisc, parce que je n'ai rien d'autre à foutre de ma vie que me lever pour changer le sens du disque. Enfin, le côté, un peu comme les vinyles, tu sais, il y avait la face A et la face B. Voilà, je n'ai rien d'autre à foutre, étant donné que j'ai une vie de merde. Mais ce n'est pas grave. Et donc, et Chewbacca, qu'est-ce qu'il devient aussi, Chewbacca? Chictaba. Chictaba. Et oui, parce que Chewbacca, qu'est-ce que c'est? C'est la contraction de... Chiquet du... De chewing et de tabac. Ouais, chewing et tabac, yeah. Donc... Il est devenu Chic Tabac, ce qui est forcément assez logique finalement, mais qui fait pourri. C'est une parodie de Chic Planète. Voilà, Chic Planète. Chic Tabac. Dansons dessus. Il y a marqué ce qui donne lieu à un flamboyant surnom quand Harrison Ford, doublé par Francis Lax, je pense que vous le connaissez. J'essaie de répondre à un tweet et c'est pareil. Ouais, c'est pareil. C'est peut-être le réseau alors. Donc c'était la voix de Magnum et de Hutch dans Starsky Hutch qui s'écrit, bien évidemment, je vais essayer de bien vous faire parce que c'est pas dans une scène de bagarre. Allez Chico, on met la gomme. Chico, ça m'est resté. C'est pour ça que je crois que j'ai fait ce quiz tout autour de cette phrase. C'est moi, allez Chico, on met la gomme. Quand j'ai retrouvé ça, je me suis dit putain, mais c'était ma jeunesse. Donc forcément, les mecs, ils ont fait un peu... le mec a fait un peu la one again. Papa, la one again, il est un peu... Oh, on va franciser, c'est pas grave, on dirait que... Mais c'est pas grave, hein. Je sais pas si tu vas le dire après, mais est-ce qu'ils ont pas fait ça justement pour la synchro labiale? Alors ça, je sais pas, mais j'ai vu passer ça, oui, aussi. Qu'ils avaient tenté un peu de recoller un peu. Mais oui, parce que j'allais passer directement au conscience, mais il y a eu d'autres un peu... Il y a eu d'autres flagorneries, un peu, d'autres... Coup d'estoc, il y a eu ces 3 PO. Qu'est-ce que c'est devenu ces 3 PO? Z6PO. Mais oui, Z6PO. Et R2D2. D2R2. Voilà, D2R2. Putain, j'étais là, non, ça n'a pas changé. Et les mecs, hop là! Tu vois qu'on n'a rien vu? On échange! Alors pourquoi du coup? D2R2, enfin R2D2 en D2R2. Ah, ça par contre, ça n'a pas été expliqué, mais. Et donc on finit avec toutes les. Parce qu'on a eu plein. Je crois que j'ai même pas noté l'article, parce que j'avais un autre article aussi qui notait. Parce que le commandant Tarkin aussi, ils avaient changé le nom, il avait appelé le commandant Tarkin, ou je sais pas quoi, il avait donné un nom chelou. Moi aussi. Non, je sais plus pourquoi. Et donc, Darth Vader. Oui, toucheux, oui. Ah, moi, quand je dis que j'embrasse une femme, j'ai toujours les lèvres du bas. Hein. Seulement pour. Comment elle s'appelle? Merde. Carrie Fisher. T'as vu, t'avais parlé de la serveuse de. Je pensais que t'allais avoir parlé de la serveuse de VNB. Arrête de la salir, bordel des mers. Mais j'aimerais tellement la salir, pardon. Je suis pas sûr de l'orthographe de Carrie Fisher, mais. Moi aussi, c'est ça. Je crois que c'est Yu. Non, Fischer, ouais, il y a. Moi, c'est pas grave. Donc, Darth Vader. Qu'est-ce qu'il devient Darth Vader? Darth Vader, je me suis un peu bouffé. Oui, c'est, normalement, c'est Darth Vader. Ouais. Darth Vader. Darth Vader. Vader. Vader. Ouais, ça devient Darth. Le E est passé en haut. Ouais. Vader. Donc, chez nous, ça devient Darth Vader. La Death Star. Bah, l'étoile de la mort. L'étoile noire. Oui, l'étoile noire. Dans le premier, ouais. Et oui, c'est pour ça qu'après, il y a un code français, c'est qu'après, il change de nom, je crois. Dans le dernier épisode, et là, ça devient vraiment l'étoile noire. Du coup, les mecs ont été un peu emmerdés. Du coup, les mecs, ils ont essayé de rattraper. Et après, on a eu bien évidemment le Jabba le Zut. Le forestier. Voilà. C'est une maison bleue. Ah, c'est la colline au lit et tapis. Bon, je t'ai la clé. Voilà. C'était donc Jabba le forestier. Et on a échappé aussi, mais qui court dans un générique. Logique, parce que c'est Luc. Marche au ciel. Court le ciel. Court au ciel. Parce que c'était visiblement plus joli que Marche le ciel. Bref. Après avoir fait un peu la merde, tu vois, un peu comme Apéro Original, sauf que quand même, c'est Star Wars, tu vois, nous on fait ça, nous on fait ça pour être numéro 1 sur Google, hein. Bah, si je tape Apéro Original, je me trouve, hein. Est-ce que t'as déjà tapé Apéro Vagi Anal? Non. Ah, c'est dommage. Je vais pas falloir que je te trouve, toi, ou... si un jour vous tombez sur un truc sur X-Hamster, c'est pas moi, c'est une copie conforme, c'est pas moi. A noter que quand même il y a une part de vérité là-dedans, mais je me tairai. Après la sortie sur les écrans, la Fox reconnaît son erreur. Bizarre. La Fox, du coup, France. Ou c'est la Fox qui a dit en France que ça soit sa la Fox. Donc je pense que c'est quand même au niveau international. Je pense que les mecs ont senti que quand même, tu vois, c'est pas un apéro original, tu vois. Les mecs, mais il y a des gens qui sont allés le voir. Oula, va falloir faire quelque chose. Bah de toute façon, c'est un truc sans tocheux, alors tu comprends bien que les gens sont allés le voir. Hein? Bon, il est pas là, j'ai l'air d'un fou de sa vie, une traite de dingue, ils me disent que je suis une petite bite. Hein? Il y a un des trucs qui est faux, mais je fais deviner lequel. Qui reconnaît son erreur et qui promet une traduction plus fidèle pour l'adaptation de la suite à venir. La suite à venir, bien évidemment, c'est l'Empire contre-attaque. Hein? Oui. Donc, un an après, pour surfer sur le succès, quand même 6,5 millions de ventes, d'entrées, pardon. Les disques Hades mettent sur le marché un double vinyle que vous pouvez écouter sur Twitter, qui Sur Twitter. YouTube, pardon. Oui. Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire sur Twitter. Attends, La musique sur Twitter. Twitter Music, c'est le nouvel abonnement Twitter Music, c'est ça? C'est ça. C'est avec YouTube Red et. Une part de vérité sur X-Hamster. Bah, si vous cherchez sur X-Hamster, vous pourrez peut-être une part de vérité. Cherche une part de vérité. Un jour, tu es en cherche X-Hamster. Si vous trouvez, vous verrez différemment. Bref. Passons. Donc voilà, sur YouTube, vous pourrez trouver un vinyle. Hein, où il y a des moments de bravoure, on l'appelait comme ça. Et en fait, le narrateur, c'est Dominique Paturel, qui fait aussi la voix de Jerry Wing dans Dallas. Et en fait, c'est un DVD un peu magique, tu vois. Parce que, en fait, il y a plusieurs traductions dans le même vinyle. Tu vois, les mecs sont un peu emmerdés, tu vois, ils étaient un peu tristes, tu vois, de la vie, je pense. Ils se sont dit plutôt que faire CTRL-V à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur, on va pas même faire CTRL-V. On va faire. Donc du coup on a les chevaliers Judaï. Chevaliers Judaï. Oui. C'est un peu comme les juifs. Donc ils font du judaïsme, mais pas pareil. Ouais, oui. Donc ils vont retirer lui la prune. Mais le pire c'est qu'il n'y en a pas encore plus. Non, c'est hier soir, mais ça reste en fait. Ça fait trois fois que j'écris sur le chat, il tourne à la prune. Mais... Ouais, il est passé. Et bien je le vois pas. Là, après, ne passerez pas entre le tocheux Ah on attaque avec ma tante et Oh le con, il tourne à la poignée. On attaque avec ma tante. Sa tante vietnamienne. Moi il s'affiche pas. Mais où c'est qu'on parle de la tante vietnamienne de tocheux? Ben j'avais parlé de la tante vietnamienne de tocheux. Arrêtez, on n'est pas là pour bouffer des nems. Putain. Mais maintenant il y en a marre. Donc après on a un peu toujours le même truc que j'avais trouvé parce que ça reparle encore une fois de R2D2, de Z6PO, et là qui devient 6-3-PO. Hein, pourquoi? Moi c'est... Pas. Ouais. Enfin, en France? Non, oui. Ah oui, ah, mais... Bah oui, hein. Ah, mais complètement, monsieur. complètement. Et du coup, normalement, c'est pas. C'est pas très francisé, oui. Mais, non, mais... pas francisé, mais avoir une seule prononciation. quand un film étranger passe en France, on essaie de franciser. Ouais, ils essaient de franciser, mais ils ont qu'une seule traduction du truc. Oui. Ils vont pas dire bah non, on va tester ça. Puis finalement, on va tester ça. Puis finalement, on va tester ça. Et puis pour la version collector, on va tester ça. Ben, le problème, c'est que c'est très un rapport avec. Je ne l'ai pas mis dans mon dossier, mais c'est très un rapport avec ce que passait récemment. Il y a eu quelques années déjà, je pense, il y a peut-être 2 ans. Une interview de Bernard Minet qui disait oui, mais vous comprenez bien, moi, les musiques japonaises à l'époque, là, des openings, elles étaient faites au kilomètre, tu sais, tout ça, caca du cul là. Moi, j'ai amélioré. Que. Et le pire, c'est quand je te dis ça, je ne m'en mêle pas. C'est-à-dire que je te rapporte les paroles de Bernard Minet. Quoi. C'est Bernard Minet, pour lui, les musiques à l'époque, genre Tchala et Tchala, tu vois, tout ça. Dragon Ball, tout ça, c'était de la musique au kilomètre. Alors que c'était des musiques de ouf en plus. Bah ouais, moi j'ai plus l'impression justement que c'est. Les musiques de Bernard Minet qui sont au kilomètre. Ah ben, plutôt que. Oh bah, mais ça ne pas. Hein. Des fois, ils reprenaient même les génériques italiens qui transformaient un peu. Mmh. Parce que les Italiens étaient beaucoup plus respectueux à l'époque. Ah, le générique de Dragon Ball Super en italien. C'est une recommandation personnelle. Tu me ferais écouter ça tout à l'heure ? Oui, je vous le ferai écouter sans faute. Avec le petit Dragon Ball. Oh putain, il est. Donc, oui, ce que je vous raconte, c'est même pas du bougie. C'est que les mecs sont complètement dans le. C'est pareil à l'époque, tu vois, Okuto no Ken, tout ça. Oui. Bon, les mecs, c'est violent, ça merde, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, ben on va. Ça encore, enfin, même si on va dire ça détruit l'œuvre, ça peut se comprendre. Mm. Pour eux, dans leur logis, c'était pour des enfants, donc du coup, oui, enfin, ils devaient censurer ou changer les termes, comme pour City Hunter. Oui. Enfin, c'est en français, c'est une autre histoire de la version VO normale. Mais parce que, voilà, parce que c'était, pour eux, c'était destiné à des enfants, alors que l'œuvre originelle, non, c'est comme si tu disais... C'était destiné pour des ados. C'est ça, où tu prends un... C'est Manara qui fait des BD érotiques. C'est plus qu'érotique, mon coco. Hein. Oui, voilà. C'est comme si tu prenais... Le déclic, c'est un peu chaud. C'est comme si tu prenais une œuvre, on va dire, plutôt érotique, porno, et tu disais, voilà, on va le mettre aux enfants. Bah, alors... Non, enfin, c'est... Ta gueule. Tu peux pas. Si tu le fais, je suis d'accord que t'es obligé de faire ça. Mais si tu le... Au bout d'un moment, c'est pas la même cible. Donc du coup, c'est sûr qu'il y a des trucs qui vont changer. Ouais, mais... au bout d'un moment, je pense que ce que tu veux dire, c'est que tu vois des limites à édulcorer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand les mecs ils sont là avec tous leurs chopes en l'air là, ouais, vive le jus de pomme. Pourquoi ton jus de pomme il fait des bulles? Ça fait 2 fois que je sais, mais ça j'y pars pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a des limites à ce genre de trucs. Hein. Autant je peux comprendre la volonté, parce qu'ils disent, oui, c'est... En fait, c'est un problème de cible. Oui, voilà, mais complètement. Originellement, c'était ça, la cible, et du coup, ils disent, mais non, c'est pour les enfants, parce que c'est nous, la culture française, les dessins animés, c'est pour les enfants, les bébés, c'est pour les enfants. Fragile, tout ça. Voilà, bah oui, non, mais si tu entends le mec qui va dans Hello Hotel, c'est pour les enfants. Oui, mais... Je crois que c'est Thomas Touré, une seule fois. Mais en France, justement, il va pas dans les Love Hotel, c'est ça, il va à l'hôtel, toi, simplement. Alors que c'est il va dans des restaurants, il y a des madames qui servent avec des tapliers. Elles sont ils sont en lapin. Dis donc, quand même, ces madames, il fait chaud ici. Hein. Donc oui, voilà, c'est un peu la limite. Toi, les mecs, à l'époque, ils sont dit... Bah, parce que l'époque, ils ont vu Goldorak marcher à l'époque, mais ça avait été... L'apocalypse. Ah, mais l'apocalypse, les mecs se sont rendus compte de rien, quoi. C'était vraiment. Les mecs, c'était le labo. Non, mais c'était vraiment le labo, quoi. Comme on disait tout dans l'épisode, quoi. Ça, c'était vraiment le labo. Les mecs ont fait ça un peu, voilà, one again to beast to fly. On vient là, on pose ça, puis Goldorak, ça marche, et puis les mecs ont dit, bon, on va importer. Là, ou par rapport aux Italiens, où ils étaient un peu plus, les Italiens, un peu plus. Serious, on va dire, business, on va dire. À côté, ça a été, ben, en France, ça a été un peu, voilà, c'était les mecs qui te faisaient passer de la bière pour du jus de pomme, les mecs qui te, le mec qui te faisait passer au couteau onoken, comme disait le mec qui se faisait au couteau faisait, de cuisine, fait, oui. Au couteau de cuisine, le mec qui te faisait une balade. Alors que mais c'est très méta, hein, au couteau onoken, ça va tellement loin. C'est une métaphore de tellement de trucs. Mais les mecs, ils ont essayé de un peu niquer le game, tu vois. Mais là, on en a un petit peu le, toi, le petit peu le filigrane aussi, parce que pourquoi finalement, pourquoi Han Solo est devenu Yann Solo en fait? Oui, là c'est vrai que du coup c'est, enfin t'as pas de. Alors je vais essayer de trouver un indice. Alors je pense pas que cet indice va vous aider. Peut-être que chez certains ça va les aider, qui sont peut-être un petit peu plus âgés. Est-ce que certains avaient vu la série télé avec Lou Ferrigno de Hulk? Peut-être. Est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelait dans la série? Ah oui, ok. C'est pour cette raison-là? Tu penses? Je pense que. Mais c'est marqué, hein. C'est marqué dans son blog. Oui, non, mais sur ton document, mais... Après, c'est assez proche, hein, c'est à ouais. Terme. Donc, qu'est-ce que c'était pour toi? Oui, parce que du coup, donc dans la série de Hulk, qui s'appelait David ouais. Banner, parce que Bruce, ça faisait un petit peu... viol. Homo. Voilà, LGBTQIA, voilà. Plus c'est... podcast. On est là, c'est on se pose. Non, mais en même temps, de mecs qui disent qu'avoir une héroïne en jouet Star Wars, ça le fait pas trop, alors... Et que les mecs se sont assis sur un marché. Voilà, alors que si, justement, hein, c'est. Enfin, voilà quoi. Bah, c'est ça, des fois, c'est ça que j'aime bien avec ces mecs, c'est que ces mecs ils sont vraiment à contre-courant de tout. C'est-à-dire que les mecs ont le pouvoir de se faire de la thune, mais les mecs s'en marrent. Mais non, alors, mais non, ça fait trois figurines à la maison et que c'est trois meufs. Ouais. Et est-ce que tu te masques. Pardon. Non, bah non, c'est Miku, c'est. T'as le droit de te masturber sur ta waifu. Tu as le droit de te masturber sur ta waifu, je sais pas. Hein. Tu sais, moi aussi, je me. C'est pas ma waifu en plus. Hein. Oh! Eh, on a appris des choses dans cette affaire originale. Oui, parce que en fait, Han Solo. Un jour, je ferai un dossier waifu. Oh, bah, si tu veux, je rigole. On va tellement rigoler. Et si c'est passé, j'ai pas vu. Donc, il y a ton chose sur le chat qui dit en même temps, David ou Bruce, quand tu le vois, la gueule qu'il fait quand il craque son jean. C'est vrai. Donc, en fait, Han Solo est devenu Yann Solo parce que ça faisait un peu moins féminin. Ouais, enfin. Bon, le problème, c'est que les auditeurs ne voient pas mon regard interloqué. Je suis en train de oui. Me dire pourquoi. Oui. Il faudrait faire en fait des études, pas linguistiques, mais phonétiques. Oui. Enfin, déjà, je vois même pas le rapport en fait. C'est comment on peut dire que le ah, mot, parce que Anne. Peut-être il disait Anne Solo. Ah, Anne. Oui. Ah oui, Anne, oui. Anne Solo ouais. Culé peu cher quoi. Ouais, mais bon, je vois pas le rapport. Tu comprends, l'anglais à l'époque c'était une langue un peu oula, c'était le futur. Tout trop le futur. Moi je vous laisse passer les trucs, hein, des 2h2, tout ça, bordel de cul de chiasse. Hein. Bah voilà. C'est toujours pareil. Oui. Non. Non, mais si. Non. On parle pas de la même chose, mais oui. Ah, c'est toujours pareil. Donc c'était à peu près ça pour Star Wars, donc je pense que, alors si vous voulez retrouver ces versions, malheureusement c'est un petit peu compliqué, enfin un petit peu compliqué, il faut faire un petit peu chier quand même, hein. À l'époque de l'internet, du tout venant, c'est quand même un petit peu compliqué. Ali Chico, mais la gomme, vous pouvez le réécouter, oui. Ça par contre, c'est pas très difficile. Mais pour le reste, c'est, moi je, à l'arrière vous pouvez venir chez moi, mais c'est un peu risqué, parce que j'y suis. Donc si vous êtes avec moi sur le canapé, ça risque quand même. Ça va buzzer. Il y en a qui ont essayé... Mais surtout que ce n'est pas ses cheveux sur ce canapé. Bah, il fait lit, tu sais, donc voilà. Il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage. Ça faisait un quart d'heure qu'on était là, on s'emmerdait. Il fallait bien s'occuper. Hein. Parce que bon, prendre le train, ça va 5 minutes, mais. Mais bon, yeah, au bout d'un moment, il faut bien s'enculer. Ouh, Dieu sait qu'il aurait eu ça, j'en aurais parlé pendant 30 ans. Et déjà que le reste en parle pendant 30 ans, j'en aurais parlé pendant 60 ans. Donc là, nous allons passer sur un article de Numérama. Alors, on va passer un peu du coq à l'âne parce que cette fois, nous allons parler de la traduction en général. Donc, cette fois, nous allons arrêter de parler de nos amis, tu sais, de la vieille époque, tu sais, un peu en traduit au couteau de cuisine, Han Solo, Yann Solo, Nicky Larson, tout ça. On en a rien à foutre, du matériau de base. On adapte, hein, et de toute façon, vu qu'on est payé, on en a rien à péter. Bah. En même temps, c'est plus difficile maintenant, enfin, à l'heure actuelle, vu que les informations et qu'on est plus, ah oui. proche du mat. Voilà, on a plus de respect. Enfin, du coup, on est plus proche du matériau de base. Je pense que c'est ce que tu veux dire aussi. C'est ça, parce que si tu as vraiment deux lignes différentes entre. Je prends l'exemple Okuto no Ken. C'est l'exemple parfait entre la véritable histoire. Et ce qu'on en a fait. Ce qu'on en a fait, parce que c'est deux trucs. Oh non, Julie, elle est tombée du toit. Oh non, mon Dieu, non. Mais ce truc m'a rendu fou. Oui. Quand j'ai vu ça. Alors que maintenant, quand tu vois ça, tu fais bah non. Et de plus en plus de personnes se tournent vers la VO STFR, enfin oui, pour la France, ou la VO, pour vraiment avoir le. Bah, le problème, c'est que quand tu te penches vers la VO, on te propose la VO de l'époque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, quand tu vois les Dragon Ball Kai ou je sais pas quoi, c'est un peu plus respectueux des matériaux de base. Ils ont repris les mêmes acteurs, mais. Mais en mieux. En mieux, voilà, c'est un peu plus respect. Bon, encore que Dragon Ball, je pense pas que c'était le pire au niveau du massacre. Hein, de ce que j'ai souvenir. Ouais, je sais pas, j'ai pas suivi Dragon Ball ni. Tu veux pas les balles du dragon? Là! Bah, balles du dragon. Déjà, c'est pas mon époque. Oh, mais moi je suis plus. Je suis arrivé après, parce que je sais que j'ai des souvenirs de mon frère regarder ça à la télé, mais moi, enfin, ça me. Mais toi, j'étais entre les deux, tu vois, moi, j'étais encore un peu. Un homme de plus, toi, j'ai un peu plus de souvenirs, mais c'était. Mais, c'était l'époque, la fin du club d'eau, quoi. Ouais. Alors. A priori, on voit que mon deuxième message. Non, il n'y a que mon téléphone. Ouais, ok. Du coup, alors maintenant, je vais vous parler de Numérama, et c'est un petit peu long, mais c'est pas grave. T'es en Wi-Fi. Ouais. Et on finira là-dessus, même si certains, après, on va laisser un peu planer le débat. Différents dilemmes se présentent alors au traducteur. Je prends l'article en cours, hein, c'est pas grave. Que traduire et préserver en version originale? Je pense que certains, quand je dis ça, penseront peut-être aux fans sub. Tu sais, cet homme qui met sand partout. Oui. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce magnifique hippodrome de Life avec Médoc et Muguri, où il va avoir Muguri, Médoc, il lui dit: tu en es où de la traduction? Oui, alors, j'en suis là. Presque, tu sais, il le tape un peu derrière la tête, là, il lui fait. Là, tu mets une étoile et tu mets la définition dessous, qui est presque plus longue que la phrase de départ. Et voilà. Donc voilà, c'est compliqué de traduire, toi, des trucs comme ça, tout ça, bon, c'est un peu compliqué à traduire, quoi. C'est un peu compliqué à traduire. On peut traduire ça par des messieurs ou je sais pas quoi, mais on va dire que la politesse, au bout d'un moment, là-bas, c'est induit. Oui, justement, parce qu'il y a des san, sensei, voilà, etc. Que chez nous, si on disait bonjour, nous, ça va être je pense que nous, ça va être plus à la tournure de la phrase. Oui, voilà. Quand on a le vouvoiement, on a des trucs, voilà, des trucs plus complexes. Que nous, on va pas dire alors, monsieur Azertov, est-ce que vous avez bien mangé vos chips aujourd'hui? Oh, oui, j'ai bien mangé mes chips. C'est ça. Et en parlant de vouvoiement, j'ai vu passer sur Twitter, il y a plusieurs semaines, où justement, à quel moment tu dois dire tu, ouais, à quel moment tu dois dire vous. Oh. Quand tu es dans l'anus de la fille, tu peux dire. Et t'as tout un cheminement justement où tu dois dire dans quel de. Bah, tu sais, c'est les diagrammes de je sais plus quoi, où t'as la condition si tu es proche de cette personne-là, mais que tu le connais pas, tu dis oui, vous, oui, ou il est plus vieux, ou tu. À partir du moment où il est plus âgé, ouais, si c'est un supérieur hiérarchique aussi, on est censé dire vous. Voilà. Non mais c'est vrai que le vous, c'est un truc, ça parle en anglais, ça passe mais totalement dans la trappe, tu vois, genre par exemple. Parce que le you, c'est à la fois le vous et le tu vois. C'est l'avantage de l'anglais. Voilà. Donc directement, le truc passe à la trappe, quoi. Directement. C'est-à-dire que rien que tu traduis, déjà, tu fais la première lettre, vous, tu fais le premier mot, vous. Ah, ben ça y est, déjà, il y a un problème. Donc, déjà, pour traduire ça, donc après, au Japon, ils sont polis de chez. Là-bas, la politesse est une norme sociale normée, tellement normée, même que les mecs. Mais c'est ça, toi, les mecs, là-bas, quand tu te penches, tu vois, pour dire bonjour, toi, c'est selon selon le degré. Enfin, si c'est quelqu'un que tu connais un peu, tu fais 15 degrés, par exemple, tu fais pas chier, t'sais. Et si c'est vraiment quelqu'un, si c'est le. Tu vois, si c'est l'empereur qui te passe devant, tu vois, c'est bonjour, c'est l'empereur. Non, Rayman, non, non, c'est. Alors, je sais pas ce que. Hein, mais voilà quoi. Oh, moi, tu sais, si j'étais là-dedans, je parlerais pas parce que je serais trop occupé. Bon, bah je. L'occasion fait le larron. Et ma tablette. Je suis un partage de connexion 4G sur le téléphone, mais c'est pas mieux. Non, j'ai tout. Hein. Oui, dans l'anus de quelqu'un. Oui, Oh, ben j'aimerais tellement arriver dans ce genre de situation que de toute façon. Continue ton dossier. Allez. Oui, voilà. C'est pas très raisonnable. Je sais même plus où j'en étais de mes conneries. On parlait de du doublage de. Mais je ne me rappelle pas quoi. C'est impressionnant. C'est que je suis vraiment parti ailleurs. Allez, on donne pour ton. Mais non, mais on a parlé de la traduction, mais ça je le sais. Oui. Mais je sais plus où c'est qu'on en a été de la discussion quoi. Et je sais, mais c'est pas. Ça s'appelle un gag. Voilà. Un gag. Un GAG. Peut-être. Oui, tu parlais de. Non, de Momi et de Médoc et Moguri sur le San et les traductions. Oui, voilà, oui, oui, voilà, c'est voilà. La limite de la traduction en tant que telle. Voilà, qu'on est... Oui, on était au degré de. Bonjour, je me penche, il y a l'empereur qui vient me voir. C'est des trucs que tu peux pas traduire parce que nous, déjà, qui se passe devant quelqu'un, déjà. Bon, qui s'accroupit devant quelqu'un, c'est moins rare, hein, par contre. C'est autre chose. Qui s'accroupit devant quelqu'un d'autre aussi. Qui s'aplatit encore plus. Mais chez nous, voilà, c'est la limite de la traduction. Donc, et en plus, d'autant plus que les mecs, maintenant, aujourd'hui, ils essaient de faire de la traduction H24 heures, tu sais. Oui. Ça met vraiment une contrainte. Voilà, tu peux pas. Tu simulcastes, voilà. Tu peux pas. Bah, après la contrainte, enfin, nous on l'a, on doit l'avoir 24 heures après. Oui, on se sent obligé, voilà. Oui, mais nous, hein. Je veux dire, on sait pas combien de temps il y a eu entre la fin de la production de l'épisode prêt à diffuser. Ah oui, voilà. Et de l'envoi au traducteur. Parce que ça se trouve, en fait, nous on l'a 24 heures après, mais eux ils l'ont peut-être un mois avant, pas grosso merdo. Oui, ils ont le temps de traduire. Ils ont quand même le temps de traduire. Et le temps de la réception. Voilà, oui, oui. Oui, oui, ils font pas ça en 24 heures. Parce que c'est. Oui, voilà. Il y a toujours une limite au. Voilà. Oui. Si je te laisse te préparer 2 heures, eh ben, je te laisse préparer 2 heures. Si je te préparer oui, c'est ça. C'est... Si tu sais que t'as un mois pour le faire. Enfin, du coup, en fait, c'est ton décalage, il est fait. C'est, t'as pas 24 heures pour le faire. C'est, la diffusion, c'est telle date. Mais t'as toujours le temps. Ah oui, mais complètement, hein. C'est ça, souvent ça aussi le problème, c'est que c'est pour ça aussi que je voulais peut-être rebondir avec mon ami Asto qui nous avait amené une fois, qui nous avait fait une belle éloge de Prison School, qui est traduit par Florent Gorge. Là, il prend un peu le temps pour le traduire, tout ça, et la traduction est juste mais oufissime. Quoi. Enfin, il prend, parce que lui, c'est un traducteur, mais c'est vraiment un traducteur de ouf. Quoi. C'est-à-dire qu'il met ses tripes dedans. Quoi. Oui. Ouais. Oui, c'est dans lui où il y a justement toutes les plein de références françaises. Mais oui, il mis éclate, mais c'est catabal. Jean-Luc Mélenchon. Mais, oui, parce que. Mais c'est catabal. C'est dans celui-là, non? Non, c'est dans Food Wars. C'est dans Food Wars. Je sais c'est dans Food Wars où il y a. Non, c'est pas lui qui traduit Food Wars. Mais dans Food Wars, il y a tout un. Mais il y a aussi des trucs à Jean-Luc Mélenchon, oui, dans Prison School. Non, je suis passé sur Food Wars parce que dans Food Wars. Il y a un groupe de résistants entre guillemets qui s'appelle les Insoumis. Mais mais non oui c'est dans ça qu'il y a Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Je pense à ça parce qu'il y a quelques semaines, voire un mois sur Twitter, justement, il y avait une photo d'un manga. Mm-hmm. Mais dans le texte, c'était purement un fait français, quoi. Donc elle a été repris et mis parce que ça devait bien coller sur un truc de parti je sais plus quoi. Et ça collait parfaitement à ça. Après souvent, le problème avec ces traductions, c'est pas forcément le manque de respect par rapport à l'adaptation, c'est l'instantanéité du propos. C'est-à-dire que quand dans Deadpool 1, il te fait des blagues sur Instagram ou tout ça, bon, tu le vois, ça te fait rigoler. Et par exemple, dans 10 ans, oui. Tu revois le film et Instagram est mort de chez mort, je dis ça par exemple, hein, parce qu'à une époque, on disait « Oh, MySpace, c'est trop bien, trop futur ». Aujourd'hui, MySpace, oh, rigolade. Bah, c'est le problème quand tu fais des blagues... temporelles. C'est ce que j'allais dire, justement, ouais. Temporelles, parce que c'est les blagues qui sont liées à la circonstance, à l'actualité. Ouais. Donc, si tu n'es pas trop au fait, justement, des circonstances de telle époque, c'était comme ça, c'est ça, etc., voilà. C'est un petit peu... Après, si tu y joues, ça peut être très drôle. Énormément drôle. Oui. Quand dans Silence, dans Feu... Non, même pas feu, si on s'en joue, non. Feu, écran, le podcast. Quand j'étais passé sur scène, ils avaient fait le diagramme de Yahoo qui rachète, je sais pas quoi, de Microsoft, ou je sais pas quoi. Bon, en fait, ils avaient calculé même l'aspect un peu, genre, eux, c'est des vieux, ils vont... Mais le pire, c'est qu'il y a des trucs qui se sont vérifiés. C'est-à-dire que les vieux rachetaient des jeunes pour faire croire qu'ils étaient pas vieux, tu vois. C'était là, le méta. Donc, en fait, c'est souvent ça, le problème avec ces traductions. Parce qu'après, qu'ils mettent du Mélenchon ou je sais pas quoi, parce que... Le problème, c'est que souvent, c'est... je veux pas supputer, non, mais je veux pas dire que dans Fou Noir, il y a des blagues sur un politique japonais, tu vois, par exemple. Je veux pas dire, il y a des blagues sur Shinzo Abe, tu vois. Mais c'est possible qu'on y arrive, tu vois, ce genre de blague. On peut dire, par exemple, sur un manga, il y a des blagues sur Shinzo Abe, sauf que chez nous, Shinzo Abe, enfin bon, je pense qu'autour de la table, on le connaît. Shinzo Abe, premier ministre japonais. Non. Bah, à ta décharge, malheureusement, c'est celui qui a duré le plus longtemps. Donc, parce qu'à noter qu'il y en a certains qui ont fait même pas 6 mois. Oui. Donc, voilà. Donc, en gros, tous les G9, les G7, tout ça, c'est indifférent. Dans les decks, un peu, voilà. Bref. Et, ah, c'est les mecs qui font des blagues sur lui. Toi, c'est par exemple qu'on a regardé tout à l'heure, Gokai no Sekid. Gaki no Tsukai. Gaki no Tsukai, pardon. Des fois, il y avait des... On peut pas comprendre toutes les blagues, tu vois. Oui. Voilà, parce que les mecs, il y a un gros acteur qui arrive, mais bon, c'est leur Danny Boone à eux qu'il a pas fait des films à l'international. Bon, bah. Mais Danny Boone, il va jouer dans une série Netflix, non? Oui, il va jouer dans une série Netflix. Et il joue pas un français méchant. Hein? Avec qui déjà? Je sais pas, il joue pas un français qui est méchant, parce que tu sais, c'est un français qui est méchant, ok, oui. Oui, je sais plus qui c'est. Il y a Will Ferrell dedans, non, je crois. Un truc comme ça. Mais il va jouer dans une série Netflix avec des Américains. Bah, bon, ça sera toujours mieux que. Pourquoi X-Hamster d'un coup là, plein milieu? Non, mais c'est parce qu'on. Il cherchait quel était le sujet. La chronique de base. Le sujet de base. Ah oui, on peut, c'est pas X-Hamster. Le problème, ça, c'est quand t'as des œuvres qui sont trop. Trop référencées par rapport à l'anglais. Trop référencées au peuple, parce que bah, je prends un exemple que moi je suis passé à côté, c'est Bobo. Oui, c'est critique aussi en même temps. Ouais, c'est hyper là, c'est japonais. Différent. Mais ça, ouais. Parce que ça se base sur des trucs qui sont culturellement japonais. Mais dans le truc qu'on a vu tout à l'heure, il va redire le nom. Mais quand il te dit, ouais, tu sais, le fantôme, il avait un triangle sur la tête. Moi, je l'ai vu, le fantôme avec le triangle sur la tête, parce que je connais les œuvres de Shigeru, celui qui fait Gegege no Kitaro. Oui, mais justement, les fantômes sont représentés justement. Voilà, c'est vrai que le mec qui dit, ouais, un fantôme avec un triangle sur la tête. Yeah, oui, mais tu sais pas, en fait c'est. Enfin, justement, parce qu'il a un triangle sur la tête, c'est fantôme. Un fantôme. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'il faut le. Tu peux le lire, plutôt, oui. Jenny, c'est. Oui, Jennifer, c'est avec Jennifer Aniston, c'est ça du coup, je crois, oui d'ailleurs. Oui, peut-être, oui. Parce que Dinner Revan, c'est Jennifer Aniston, je crois. Le truc avec Danny Boone. Je sais pas, je suis toujours atocheux, bah voilà, ça c'est une bonne blague, et j'ai que ça. Moi je sais pas, j'ai que deux lignes, hein. Moi j'ai un split screen. Hein. Donc oui, donc il faut bien évidemment réaliser un meilleur compromis. Hein. Oui. Faut savoir un peu juger, parce que bon, le public français n'est pas le public japonais. Bien évidemment, je suis pas bridé. Voilà, c'est mon instant raciste. Autre point essentiel à la base des sous-titres, c'est d'essayer dans la mesure du possible de livrer la traduction la plus transparente possible. Aussi voilà, c'est essayer de pas... De pas trop entacher la traduction, parce que c'est pareil tout à l'heure, par exemple, quand je parle, c'est pour ça que moi j'ai toujours du mal à traduire, parce que quand on traduisait tout à l'heure tout ce qui était Up to 11, quand on a fait l'épisode sur Inspecteur Clouseau, voilà, merci, pardon, je n'arrive plus à trouver le nom. Moi j'arrive pas à traduire, j'aime pas la traduction littérale, tu vois. C'est pour moi, je sais que Hidakakimas, c'est pas bon appétit, tu vois. Lawrence. Ça se traduit par bon appétit. Ça pourrait se traduire. On pourrait le traduire par facilité. Oui. Mais c'est pas bon appétit en fait. En fait, justement, on n'a pas d'équivalent en France de. Voilà, c'est ça. En fait, en tout cas, moi, de ce que je comprends quand on dit Italiakimas, c'est on se dit. C'est un peu bénicité un peu. On se souhaite un bon appétit. C'est plus le bénédicité que le bon appétit. Oui. Italiakimas, ça veut plutôt dire merci pour ce repas. Voilà, c'est ça. Oui, c'est plus ça, oui, comme ça. Que bon appétit, voilà. Ouais, moi j'avais aussi le. Enfin, quand tu manges à plusieurs, c'est voilà, on mange ensemble, ça c'est. Cet aspect un peu cérémoniel, tu vois. C'est ça. Tu vois, voilà. C'est pour ça que moi j'arrive pas à traduire. J'ai beaucoup de mal, enfin, si à traduire pour comprendre. Et tu me dis d'expliquer un texte, moi j'y arrive pas. Parce qu'en fait, de suite, je vois l'aspect derrière, je vois les mots directement où ça coupe, tu vois. Je dis, ah putain, moi j'y arrive pas. Parce que pour moi, je sais que directement que ça n'a pas le bon sens en français, du coup je coupe. Mais j'y arrive pas. Donc, c'est faire le meilleur compromis dans la mesure du possible. Je repense à un truc, mais il y a un numéro de Je vais te retrouver ça, de Comics Outcast. Mm-hmm. Vous en parlez Où justement ils ont reçu Jérémy Manès. Ah, mais qui fait, celui qui fait Rector Nouf. C'est. Celui qui fait des boules, hein. Justement, il est traducteur chez Panini, entre autres. Il ouais. explique qu'il a fait aussi des, d'autres. Non, mais il fait Rector Nouf plutôt. Ouais, j'essaie de retrouver le numéro. Oui, c'est pas le mur de feu, quoi. Voilà, exactement. Et lui, pour ceux qui ne savent pas, le mur de feu, en fait, c'est la traduction de firewall. Donc, c'est en fait, c'est la protection qu'on a sur le pare-ordinateur, le pare-feu. C'est ça. Donc, c'est le mur de feu, le donc, firewall. C'est le numéro 95 de Comics Outcast, ouais. où justement, ils ont en interview Jérémy Manès qui est là présent tout le long de l'épisode. Présentement. Et ils ont une grosse partie où c'est une partie interview avec lui, et justement où il explique un petit peu son métier de traducteur. Donc il revient un petit peu sur. Mais c'est hyper complexe. Et que justement, des fois, bah, c'est hyper compliqué. Par exemple, sur Deadpool. Ah bah oui, parce qu'il y a des blagues énormément référencées. Il y a des, c'est référencé. Voilà. Et lui, justement, il essaie de. Contrebalancer un peu. De contrebalancer avec des références à peu près équivalentes. En française, France. Voilà pour un peu. Pour que justement la blague reste. Et son équivalent, que, voilà. Voilà, c'est son équivalent, même si c'est pas forcément bah, du littéral, parce qu'en France on n'aurait pas le truc, mais c'est oui, quelque c'est, chose qui peut s'approcher chez nous en fait. C'est comme si tu faisais des blagues sur Will Ferrell, nous on le connaît parce qu'on le connaît. Oui. Mais c'est pas l'acteur, c'est un acteur de comédie hyper connu, mais chez nous, bon. Oui, c'est. À part dire que. Hey, il ressemble à Chase Smith. Si, c'est vrai. Tu mets Will Ferrell, Chase Smith, tu verras que ça ressemble trop. C'est un truc de ouf. Mais voilà. Dépasser un certain seuil, c'est ça qui est compliqué. Donc en fait, le mieux, c'est de faire de son mieux possible. Une bonne traduction, c'est un travail, bien évidemment, qui ne se voit pas. Oui. Le traducteur doit tout faire pour rendre service à l'œuvre. Voilà. Donc c'est comme tu as dit, je pense, c'est un truc, le même problème que monsieur Jérémy, je sais pas quoi. Manès, voilà. C'était vraiment essayer de remplacer une blague qui peut avoir un référentiel américain à un référentiel français. Mm. Voilà, c'est essayer de trouver un équivalent. Bon, des fois, c'est pas toujours évident. Dans tous les métiers ne sont pas évidents, donc c'est comme un coup. Dans cette idée de s'effacer derrière l'œuvre, Jean-Philippe Dubrul précise que si le texte original est nul, pas très bien écrit, ou n'essaie pas d'en faire du Molière à la traduction. C'est peut-être aussi ce qu'ils essayaient de faire à une époque avec Okuto no Ken. Okuto no Ken, c'est pas. On va dire que l'idée thématique derrière l'œuvre est énorme quand tu brosses le truc. Parce qu'en fait, ça parle de la douleur, de l'amour, etc. Mais bon, quand tu mets les chapitres un par un indépendamment, en fait, c'est des mecs qui s'attendent, quoi. Oui. Donc en fait. Ils ont dit bah les couilles du sens des phrases. On voilà, bah les couilles du sens des phrases, on va faire des blagues sur au couteau de cuisine et puis allez vous faire foutre, monde de FDP. L'histoire va être réglée. Ah, oui, du coup, ouais, ça vient un petit peu le problème de la culture. Enfin, c'est deux cultures qui s'opposent. Mais tout à l'heure, on comprenne pas oui. forcément le message de. Mais tout à l'heure, quand on parlait de Bernard Minet, par exemple, Olive et Tom, je prends Olive et Tom, c'est pas lui. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé deux épisodes, allez, hein, où à tout péter. Il y a Tom. On fait passer une balle sous un camion. Il y a un mec, il a plus haut de l'île, l'autre est Tom, et ça va être réglé. L'histoire, l'autre il part en Allemagne, on le revoit qu'à la fin de la saison, et encore, je suis gentil. C'est ça, il n'y a pas la même chose avec. Jeanne et Serge un peu aussi. Voilà, ah oui, Serge, tu le vois dans l'épisode 1, et c'est tout, oui. Tu le revois un peu, mais voilà, il n'est pas. C'est pas un personnage prenant. Non. Bah, je connais pas le nom original de Jean-Yves ouais. Jean et Serge, par contre. Ouais, l'idée qu'elle se fait brimer la gueule, par contre, ça c'est Jeanne Ono Oden, c'est tout. Non, je crois que ça va être Jeanne Oskoulou. Putain, j'allais la faire. J'ai Jeanne Oskours. Voilà, donc déjà. Jeanne Oskoulou. Cet épisode. C'est pas une épargne, c'est ça. Ah, Toucho, il veut pas qu'on touche Olivier Tom. Et Dieu sait que moi j'aime Olivier Tom aussi. T'inquiète, on fera rien, Olivier Tom, on va juste trash talk sur Captain Tsubasa. Et là, ça. Enfin. Ne faut pas rigoler, c'est une de mes séries préférées. Hein. Mais vraiment. Ça me fait penser à une vanne. Est-ce que tu as vu la nouvelle saison moi, La nouvelle saison, j'ai pas. J'ai entendu du bien, mais c'est que j'ai pas eu le temps. C'est saison ou série? Série même, je crois. Ouais, oui. Ils ont tout repris à zéro, hein. Mais j'ai pas eu le temps en fait. Mais il y a des bonnes avis. En parlant de ça, justement, entre les noms français et les noms originaux qu'on aurait francisés, Ça me fait penser à une blague dans Nerds, ouais. Justement, où t'as... Non mais Nerds est une série tellement méta. Monsieur Poulpe qui a un t-shirt de d'Albator. Ouais. Et t'as... qui n'a rien à voir. Merde, l'autre, comment il s'appelle ? Didier. Didier qui ouais. dit, putain, c'est Captain Harlock et tout. Alors, ouais. c'est justement, la référence est faite à l'envers. Ouais. Où justement, t'as deux décalages entre Albator, pour français, et Captain Harlock, qui est le titre originel, il me semble. Parce qu'international, ouais. International. Je sais jamais si c'est Harlock ou Airlock. Non, c'est Harlock. Harlock. Je sais jamais si c'est un A ou un E. Non, c'est Harlock. Parce qu'en fait, ça a été mis en Captain, enfin, Albator, parce que Harlock, ça ressemblait trop à Haddock. Et donc, les mecs avaient peur de se faire attaquer. Monsieur déjà présent à cette époque-là, ils en avaient peur, quoi. Et c'est... du coup, ils ont sorti Albator d'où ? Voilà, Albator. En fait, c'était une fusion entre un copain à lui qui s'appelait, un autre Beeman d'ailleurs, hein, qui s'appelait Albator. Oui, presque, c'est non. Mais ouais, c'est un peu what the fuck. Mais ouais, il y a plein de traductions comme ça à l'époque et c'était un peu. Pas foutre. Dans le même genre, en France, on a Lupin the Third. Oui. Ah oui, c'est ils avaient peur des ayants droit de. Ça, c'est le. Arsène Lupin. Arsène Lupin, justement. Et ils ont appelé en France Edgar de la Cambriole. Et oui, parce que les mecs avaient trop peur de se faire attaquer par les ayants droit. Mais quelque part, pour de vrai, hein, parce que quand tu vois le marché. Le marché domaine public, pas domaine public, c'est ça. Donc il y a Tocho qui dit Albator vient du nom d'un joueur de foot, Balator. Oui, voilà. Je sais, c'est de rugby, moi. Bon, bref. C'est pas. Mais oui, mais il y a plein de trucs comme ça. C'est fait. Capitaine Flamme, c'est pareil, parce que c'était Captain Future. À la base, hein. C'est pas du tout. C'est pas du tout Capitaine Flamme, en fait. Ouais, parce que c'était aussi des facilités à l'époque. Bon, voilà. On voulait franciser, on voulait pas franciser, voilà. C'est aussi un peu le. Ça faisait partie du game, quoi. Donc finalement, voilà. Ce qu'on voulait dire, c'est que le traducteur doit tout faire pour rendre service à l'heure. On en était là, voilà. Donc c'est un peu comme quand tu dis Prison School, par exemple. Oui. Parce qu'on en a déjà parlé dans l'opéra original. Je pense que la traduction, ça fait partie d'à peu près le mieux qui se fait. Parce que je sais que Florent Grosch traduit de ouf, parce que lui, vraiment, il s'implique dans la traduction. Mais il n'est pas gavé de temps. Hein. À se demander même si c'est rentable presque pour lui. Parce que, Justement, pour revenir un petit peu sur ça, sur la traduction, dans l'interview, Jérémy Manès, il disait justement que des fois, il peut passer une journée. Il peut faire une phrase, non ? Une connerie comme ça. Ouais, sur une bulle. Mais oui, mais ça m'étonne pas. Parce qu'il y a tellement de sens qui peut être induit dans la phrase par rapport à, à la chronologie Marvel où t'as 75 ans à peu près. Oui, voilà, c'est ça. D'histoire où, voilà, il expliquait même qu'à un moment, dans Captain America... Civil War. Avant Secret Empire, ce qui mène justement à Secret Empire, il y a une partie narration où c'est Captain America qui parle et il dit you. Et à aucun moment, il dit à qui il parle. Donc il ne sait pas s'il parle à plusieurs personnes ou à une seule personne. Il ne sait pas... S'il parle aux Américains en général. C'est ça. Ou si c'est une discussion avec une personne ou à plusieurs personnes. Si c'est toi. Voilà. C'est ici, voilà, vraiment. C'est toi, le lecteur. Oui. Voilà. Donc comme Deadpool pourrait le faire, quoi. Donc, comme Deadpool pourrait le faire, mais là, il ne savait pas à qui Captain America parlait. Voilà. Si c'était à lui-même, si c'était à d'autres personnes. Et donc du coup, c'est ça aussi qui est un petit peu difficile. Hyper compliqué de toute façon le you je pense que c'est mort surtout c'est ça le problème c'est que quand tu traduis à l'instant T c'est ça a posteriori tu dirais je traduis autrement parce qu'il s'est passé des trucs après voilà oui tu connais l'histoire aussi du mais c'est ce que tu disais tout à l'heure par exemple quand tu dois traduire à 24 heures tu traduis pas comme si t'avais un mois d'avance. Ou à peu près, tu vois ce que je veux dire. Oui, pour moi, logiquement, si, ils ont quand même les épisodes longtemps avant la diffusion. Voilà. Ils n'ont pas 24 heures entre la diffusion VO. Des fois, il y en a qui traduisent de short. Hein. Oui, pas en 24 heures. Non. Ça me paraît hyper. Parce qu'en plus, là, on parle juste sous-titrage. Oui. Où là, tu as quand même un petit peu plus de délai que doublage. Oui, doublage, c'est beaucoup plus long. Il faut faire venir tout le monde déjà. Oui, c'est pour ça, les trucs en US plus 24 ou J plus 24, H plus 24, oui, c'est du sous-titré. C'est le sous-titré, ouais. Tu peux encore gérer, mais ils l'ont pas 24 heures avant. Pour moi, ça me paraît. Ça ouais, mais bah, c'est pareil, moi, pourquoi. Pas sûr, hein. Ouais. Parce que je sais qu'il y a certaines séries, c'est très. Ils les font bosser comme des. Après, oui, non, mais qu'ils les fassent. Comme des fous furieux, dans des conditions pas, pas forcément ultra bien payées, ni rien. Mais... Et j'y reviendrai après sur cet aspect-là, mais oui, c'est mais oui, très, après, très prégnant. Que les délais, parce que quand on va en conférence de, d'acteurs justement qui font du doublage et qui... Le doublage, t'as plus de latitude. Oui, mais c'est pareil, ils disent, voilà, vu que les... Ah ben les délais sont short maintenant. Les délais sont hyper short, avec justement, ils prenaient l'exemple de Netflix où t'as toute la série d'un coup, bah t'as moins de temps justement de prendre ton temps et de... De digérer. Bien bosser et de bien le traiter. Voilà. Là, t'es obligé d'enchaîner les trucs, tu fais tout en quasiment une prise. Et voilà. Oui, mais c'est ça. C'est, t'as pas le temps de digérer l'œuvre. Voilà, parce que généralement, les acteurs VO, que ce soit pour le jeu vidéo ou tout ça, on les drive. Mmh. Et on les pilote, on leur dit le personnage, il faudrait qu'il soit tel que ça. Il t'arrive en France, et déjà, généralement, ces indications, tu les as pas toujours. Et t'as un directeur artistique français, donc le directeur artistique français il fait avec ce qu'il a, donc c'est-à-dire souvent pas grand chose. Ouais. On va pas se mentir. Donc le mec il drive comme il peut, donc de suite t'es obligé d'arriver à un truc différent. Donc c'est pour ça que moi maintenant j'ai commencé à m'y pencher, des fois tu regardes certaines séries, des fois entre la traduction qui a un sous-titre et la traduction que toi t'entends, j'ai pas vu un univers, mais j'ai vu quand même, j'ai fait « ouais, mais il y a une grosse nuance quand même, c'est pas pareil quoi ». Ouais, c'est pour ça, il y a l'art et la manière, voilà, diront les puristes. Oh, mais vous voyez la page 24, monsieur. Ouais, oui, parce qu'on l'a pas dit en introduction, mais... On a une petite page 24. Une bouteille en plus, on a une page 24 triple. Et aussi le whisky qu'on avait ouvert déjà. Toguchi. Oh, il a goûté, ça, ton cheveu. Ah, c'est voilà. Le Toguchi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi le whisky. Ah, je préfère une petite bière. Hein. Ouais, c'est une petite bière. Ouais. Et moi, je fais décrocher, donc j'étais à 9. Sinon, 8, 7, ça va, ça descend. Donc, allez, je vais continuer mon article, hein, parce qu'on est bientôt fini quand même. Dans cette idée de s'effacer derrière l'œuvre, Jean-Philippe Dubrul précise que si le texte. Bon, ça, je l'ai lu, voilà. Le contrôle après traduction est inévitable. Même si cela n'est pas toujours évident pour le traducteur, comme l'explique Jean-Philippe Dubrul. Ça m'embête un peu par principe quand on retouche mon travail. Non, ce n'est pas le seul. Mais en fait, la personne qui travaille avec moi à Crunchyroll, parce que c'était pour le tantôt sur le manga, fait un excellent boulot. Elle voit justement ce qui fait ce que j'ai fait de mal et arrive dans les phrases qui ont bien plus de sens par moment. Parce que c'est pareil, on peut influencer finalement aussi la traduction. Oui, bah oui. Par. Voilà, c'est pareil, il y a des mots, des fois en anglais, qui ont une traduction un peu vague. Toi, tu vas mettre un mot un peu plus précis et tu vas induire un sens derrière qui est un peu. Voilà, qui est plus orienté, on va dire. Mm. Donc forcément, de vrai, tu peux influencer le lecteur. Enfin, le lecteur. Le visionneur, le spectateur, tu diras ce que tu voudras par effet. Dans cette relecture, le rythme des césures et de la coupure des phrases est également quelque chose à prendre en compte. Parce que oui, entre écouter et lire, forcément, il y a tout un univers. Mmh. Hein, je ne vais pas vous la faire, je pense qu'ici, on est quand même un petit peu adapté, on va dire, un petit peu compréhensif par rapport au sous-titré. Moi, je sais que mon père, par exemple, interdit d'aller les faire sous-titrer. Il allait voir je crois qu'il allait voir la forme de l'eau quand même en VOST. Je suis vraiment arrivé à le forcer quand même. Parce que j'ai dit, au Shape of Water, parce que j'ai dit, si tu vas pas voir ça, t'es qu'un gros con. j'ai dit, c'est un putain de bijou, si tu vas pas voir ça, t'es qu'un gros con. Donc il y allait quand même. D'accord, même je suis même pas sûr qu'il soit allé le voir. Peut-être qu'il allait le voir en VF, il m'a peut-être un peu grugé, mais bon, bref. Donc des fois, voilà aussi, c'est... Tu peux pas lire autant que ce que t'écoutes. Oui, non, bah... C'est plus compliqué, voilà. T'étais obligé de suivre quand même. Oui, t'as deux actions où l'audio, bah, tu peux entendre voilà, assez facilement, mais voilà. Lire, ça demande beaucoup plus de travail, donc du coup... Voilà, faut lire parce qu'il faut vraiment lire, ça. Faut décoder. Après, d'accord, parce que... C'est ça qui est compréhensif. Comment il parle à son père ? Ah oui, moi j'y parle mal. Oui, mais en même temps, un bon film est un bon film, donc... Moi, si tu vas pas le voir, t'es qu'un con. T'es qu'un con, ouais. Ouais, en même temps, vu ce qu'il paye le cinéma, Carmon fait des expos avec les dessins, tout ça, on a bien le droit. Donc voilà. Car en outre, une bonne traduction, il faut aussi que le texte suive correctement le rythme des dialogues pour se caler au bon moment. C'est pareil, donc faire une traduction avec des astérix, où on met que dessous San, ça veut dire monsieur, mais ça veut dire monsieur. Monsieur, madame. Monsieur, madame, dans un cadre formel, où en fait, c'est un supérieur hiérarchique, qu'est-ce qu'on en a à foutre au bout d'un moment ? Tu le mets pas, parce que nous, de toute façon, on l'utilise pas. Qu'est-ce qu'on en a à péter ? Tu vois que quand même, il y a une certaine forme de politesse dans l'action du mec, parce que de toute façon, il va pas lui parler. Oh, et San ! Viens ici, je vais niquer ta mère ! Je vais monter sur ma mobilette et brise, je vais t'y foutre plein la gueule, moi brise, joule, brap. Non mais les mecs, au bout d'un moment... Par la fenêtre. C'est ça, au bout d'un moment t'as quand même un peu l'intention. C'est souvent ça aussi le problème, c'est que le problème c'est que les gens ils ont un peu du mal à voir avec l'intention. Donc il faut, nombreux sont ceux qui ont pu découvrir des sous-titres mal synchronisés, je sais que ça m'est arrivé. Comme des épisodes où le calage de 2 secondes suffit à perdre le fil. Mmh. Bah ben ça, ouais. Je crois que y a pas pire. C'est quand t'as un décalage entre l'audio l'image, moi j'appelle ça entre guillemets. Oui. C'est vraiment l'image entre guillemets. Parce que et c'était d'ailleurs sur NoLive qu'ils en avaient parlé, c'était Paul Bruyère, celui qui présentait, celui qui avait fait Professeur Pratique, tout ça. Oui. T'as parlé, il avait dit. Et d'ailleurs, c'est malheureusement, je vais parler à mon oncle, c'est le truc du porno. C'est-à-dire que tu peux regarder un porno qui est filmé, filmé à moitié dégueulasse, c'est filmé qualité caca, mais il suffit que le son soit bien, bah tu fais ta petite affaire. Tu regardes un porno où le son est pas top, c'est-à-dire, par exemple, tu vois une petite japonaise qui fait t'es là au bout de 2 secondes de vidéo, bon bah je vais regarder autre chose, hein, parce que ok, hein. Ben c'est ça. Tu regardes un film où l'audio est dégueulasse, tu peux pas le regarder. Mmh. Mais c'est fréquent la dissonance entre l'image et le son dans les pornos. Oui. Non, mais rigole. Non, c'est vrai, hein. Rigole, c'est vrai. Tu peux pas. Je sais pas, je me branle jamais. Non, moi, les vidéos que je regarde n'ont pas de problème, donc. Oh, je mets ça en son, non, allez, hop, bah. Il n'y a pas des problèmes tous les jours, mais. Ça arrive assez souvent, ouais. Je sais que ton show est chaud parce qu'il dit il est révolutionnaire. Il y a un côté révolutionnaire chez Gandalf, mais il a complètement craqué. Et Rayman dit pas de son sur les pornos. Ah bah après, si t'écoutes de la musique classique. Ah, c'est pas ce mouvement là. La troisième mouvement de Mozart. 1, 2, 3, c'est bon. J'ai pas fait arriver à 3 quand même. Forêt. Mais cet épisode est complètement fou. Je sais même pas où j'en suis. En phrase, voilà. Elle est de 15 caractères par seconde, ce qui est beaucoup plus que la bite à Gandalf. Au-delà. Vas-y, enchaîne. On peut difficilement assimiler l'information. Mais bien évidemment, la bite à Gandalf est bien trop énorme. On peut vite assimiler l'information en moins de 15 caractères par seconde. Voilà, j'espère que je me réécouterai jamais. Il paraît alors important de découper son texte correctement. Oui, parce que si tu mets 40 phrases en même temps, les mecs ils vont un peu. Ils vont pas tout. Donc voilà, donc afin de synchroniser le mieux possible avec l'image. Bon, là je parlais d'animé, forcément, en animé, la synchronisation labiale, ça me rend un peu les couilles. Hein. Mm. Je vais pas mentir. Donc. Voilà, après pour les films, c'est quand même une autre paire de manches. Là, il faut adapter par rapport aux synchronisations labiales, tout ça, etc. Donc, de suite, on en arrive à d'autres problématiques. Mais je voudrais noter quand même pour finir, parce que c'est fini quand même. Je sais pas depuis combien de temps j'y suis, je pense que ça fait 1000 ans. Une heure et demie, c'est pas grave. Une heure et demie, putain. Je suis pété, j'en veux plus. Le prix Konishi, est-ce que vous connaissez le prix Konishi ? Non. C'est le prix de la traduction. Oui, bravo, vous êtes balèze. Non, je savais. Et donc, qui c'est qui a été reconnu l'année dernière ? Cette année même, devrais-je dire, parce qu'en fait c'était pour l'année d'avant. Non, je sais plus. Et ben c'est Golden Kamuy. Ah oui, exact. Oui, parce qu'en fait c'est un manga qui traduit aussi, et du coup l'auteur en chie des mégatonnes, parce qu'en fait il traduit pas du japonais. Il traduit aussi du langage, alors ça s'appelle, c'est les Ainu, je crois, un truc comme ça, non ? C'est les gens qui habitent tout au nord du Japon, vous voyez la presqu'île qu'il y a là-haut avec Sapporo. Mais c'est vraiment le nord du nord. C'est les biloutes, okay, du Japon. Et bien en fait, c'est du langage qu'il y avait là. En fait, c'est des japonais, oui, je vais dire ça comme ça, mais c'est une minorité quand même. Hein. Donc en fait, voilà, en plus, il se retrouve à traduire ça. Et la communauté des traducteurs a évoqué les problèmes conservés. Donc maintenant, on a dû, pour rendre son travail moins de 24 heures. Donc à croire que certains reçoivent les épisodes moins de 24 heures avant. Ce qui doit poser quand même des légers problèmes de recul quand on doit travailler dans le speed, et surtout dans la traduction. En sachant que, comme on a dit tout à l'heure, un mot peut en faire suggérer bien d'autres. Et on peut totalement changer le contresens. Par exemple, l'homme de fer lance son mur de feu pour voir si le satellite va bien. En anglais, je dis oui. Iron Man, launch this firewall to see this satellite was fine. But in French, it is pas pareil. Bah non, firewall, les murs du feu, enfin c'est. Ah ben, je te dis, je pense que j'ai jamais passé autant de temps sur deux pages de comics. On s'y était remis avec mon père, c'était sur Hulk, pour le citer. Et j'ai jamais autant passé sur deux pages de comics. Ouais, non, j'ai fait avant-arrière en me disant, mais quel mur de feu. Et c'est alors que la traduction m'est arrivée parce que je suis informaticien. Et je connais le langage de français, je me dis, mon père ne me trouvera jamais, quoi. Mais moi, ça me l'a fait, je n'aime pas sur Howard Hulk, parce que c'était sur un épisode de soit Spider-Man, soit Iron Man. Ouais. Où justement, t'as Iron Man qui dit, oui, j'allais mettre mon mur de feu, blablabla. Puis là, je sais. Mais non, mais. J'ai rien compris. Mais non, j'avais compris, parce que le mur de feu, je sais, mais oui, c'est Iron Man, donc c'est Firewall. Et d'où est-ce que tu traduis, en fait? C'est. Ça va être traduit de l'anglais au chinois. Ouais, c'est ça. Du brésilien de Chine et. On va finir par croire ça, hein, ça ira plus du vite. Du portugais à l'espagnol et de l'espagnol au latin. Oui, ça ira plus vite. Et de latin au français. Ouais, non, moi je dirais latin, allemand, français. Celte. C'est revenu à l'anglais, qui finira le sérieux en français. Ouais. En gros, ça les mieux. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était assez long pour une fois. Oui, et on va enchaîner tout de suite avec le jingle invité. Allez, viens. On va manger des chips. T'entends? Des chips! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips! Et donc, comme on l'a dit en introduction, donc on n'est que trois autour de la table. Oui, malheureusement. On s'est dit que c'est pas grave, on a quand même avoir des invités au téléphone et on va lancer du coup un appel à une personne qui nous est chère. Un appel à une proximité. Voilà, c'est ça. Toujours dans nos cœurs, tout ça. Je remets les écouteurs, je ne peux pas l'entendre. Une coupe bigot, une proximité. Allô ? Allô ? Bonjour à vous. Allô ? Bonjour. Ah mais, il est branché. Oui, avez... il est branché. Comment allez-vous ? Qu'est-ce que c'est un peu de foutre ? Je crois que Gandalf il va se prendre des retournées claquées par Monsieur Tocheux. Au mois de septembre, tu veux t'apprendre, d'accord ? Ouais, je pense que toi, quand on va se voir, la prochaine fois, t'as du souci à te faire, mon garçon. Je vais augmenter mes rangs dans la mutuelle, comme ça j'aurai l'autodancy, c'est pas de problème. Ouais, par contre, j'ai une communication qui est pas terrible, j'ai l'impression que vous êtes dans un bocal, j'ai du mal à bien comprendre tout ce que vous me dites. Ah non, mais c'est possible, j'essaie d'augmenter un petit peu les sons, mais tu sais le montage qu'on a fait, c'est très podcast. On n'est pas la référence. Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand on bosse pas dans la référence, on peut pas se plaindre de pas avoir du matos de référence. C'est ça. Il faut que pour ça. Du coup, comment ça va, mes petits poulets? Ça va bien. Ça va bien? Qui je suis? C'est oui. Ça oui. Oui, qui es-tu? Qui suis-je? Tocheux. Tocheux, podcasteur, rouleur, retiré des bagnoles, mais pas du podcast. Voilà. Est-ce que tu te retires souvent? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu te retires souvent? Non, moi jamais. Moi je mets toujours un bout dedans. Toujours un bout dedans. Toujours un bout dedans. Donc, là, on est dans la chronique des. Enfin, dans la partie questions aux invités. Tu connais un petit peu le principe, même si t'es sociétaire, hein, tu vas pas y couper. Ouais. Bah, je laisserai bien ma place à Pépé, mais je suis pas sûr que ça lui plaise. Bah, non, mais. Oui, c'est qu'un con. Il devait nous appeler, mais il est occupé, donc du coup, on s'est organisé autrement. Il bosse, tout ça, d'accord. Tout ça. Enfin... Bon, ok. Donc, dis-nous un chiffre entre 1 et 92, mais pas le 42 ni le 16. Bah, 92. Magneto peut-il bouger le marteau de Thor? Oh, je suis sûr que si Thor le met assez près de ses burnes, oui, ça doit pouvoir se faire. C'est donc là que vient le pouvoir de Magneto. C'est donc là que vient le pouvoir de Magneto. Eh oui, c'est ça. Et l'IRM et tout le truc, parce que à force, il s'est pété les cervicales et donc il y avait de l'imagerie magnétique par là. Non, mais tout est lié, les gars, tout est lié, cherchez pas. Message de Raven. Oui, j'entends le message de Raven sur le chat qui dit après avoir entendu Tosho, je vais peut-être me retirer. Oh, ça après pour les détails. Ce qui se passe à Podrenne. Hein. Ouais, reste à Podrenne, exactement. C'est ça. Voilà. Allez, donne-nous un deuxième chiffre. Le 34. Alors, 34. Ça change. C'est une question de monsieur Randall Flag. Eh ben non, Oasis. C'est Oasis. Quel est le synonyme du mot synonyme? Aïe. Quel est le synonyme du mot synonyme? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Et puis alors là, franchement, j'ai même pas une vanne à sortir là-dessus, tu vois. Non mais hey, le pire, c'est que Oasis qui te pose une question de synonyme pour un synonyme, c'est vraiment du premier degré. Il changera jamais, cet Oasis, je l'adore. Ah, c'est bon, méta, c'est méta comme question. C'est très bien. De toute façon, toutes les questions qui sont à poser aux invités sont très méta. Ah, hein. Oui, elles sont. Oh, bah là, sont là, très... c'est la jaune jaune. Elles sont très fouillées. Je me souviens de celle de Randall qui demande jusqu'où se passe un gant de toilette le show. Là. Oui. Franchement, celle-là, je l'ai entendue à ma pliée. Quoi. J'ai surtout aimé la réplique de Pépé qui dit « Non, mais c'est normal qu'il ait plus d'amis. » Voilà. Ça, c'était magique. Bon, sinon, vous avez l'air de bien vous entamer, là, quand même, non? On est pas mal, là. On est pas mal. Ouais, c'est bien. On n'a même pas pris de whisky, là, pour l'instant, on n'est que full bière, mais c'est pas mal. Ah, c'est pas vrai, Asto, il m'a dit qu'il avait bu un peu de tequila, quand même. Oh, ça, c'était hier soir. Ah, ouais. Waouh. vous voyez, même quand je suis pas là, rien m'échappe. Non, mais ça, c'est parce que je l'ai tweeté hier, c'est pour ça. Ouais, d'accord. C'est le bord de con. Sinon, est-ce que t'as un autre truc à rajouter, ce que tu veux, vas-y, la parole est à toi. Non, moi j'ai rien à rajouter. Je suis très content que vous ayez pensé à m'appeler. Oh, bah, je suis très flatté dans mon ego. C'était voilà. Le minimum. Non, il n'y a pas de minimum avec moi, vous le savez très bien. moi je suis toujours au max, moi. C'est pour ça que je deviens une référence dans la râlerie. Voilà. Une recherche Google, référence dans la râlerie. Allez, voilà. Voilà. Mais on va monter une boîte de râleurs professionnels avec Gandalf, je le sens chaud, là. Et encore, je suis pas assez bourré, là, t'imagines? On va s'occuper de ça la prochaine fois. Oh, je vais prendre du whisky, t'inquiète pas. Le troisième épisode, il va être bien. Allez, hop. Non, mais voilà. Je saisis la bouteille devant toi et je me sers. Voilà. Non, mais sinon, rien à rajouter. Je suis désolé de ne pas être là. Je soigne mon tendon comme je peux et puis ben, on se verra la prochaine fois, vous inquiétez pas. Mais quel tendon? le tendon du coude. Et j'ai bien dit du coude. Tu vois, moi, j'aurais rajouté à la fin un connard. Non, non, non, non. Non, pas de ça avec les amis. On est amis, c'est bien. Et là, on est en train de se servir le whisky, c'est un tendon. Ouais, estime-toi heureux, il y en a... Estime-toi heureux, il y en a pas beaucoup. Oui, il t'inquiète pas, la bouteille encore. Voilà, la bouteille est pas mal. Non, non, en tout cas, t'es quand même avec nous autour de la table parce oui, que ça fait très ton plaisir. Verre est rempli de graissins. Ouais, on à toi. Ouais, alors, okay. Alors ça, par contre, des graissins dans mon verre, les gars, faut pas déconner, j'ai une réputation à tenir quand même. À noter qu'à Castres, il y a du Monarbo en boutique. Ah, bien. Ouais. Et il y avait plus de Kirin, par contre, donc j'étais un peu déçu. Mais j'ai vu que Monarbo, ils avaient sorti une deuxième gamme de whisky, il va falloir que j'aille chercher ça. Oh bah tu comprendras bien que on sera pas malheureux si tu nous ramènes ça. Ah ouais, ouais. T'inquiète pas. T'auras l'occasion de plus voir le fond du verre. Ouh, ça me rappelle un certain préparatif, ça dit donc. Enfin ça me rappelle. Ou pas, c'est ça le problème. Ouais. Ah putain, ça a mâché la moitié de la conversation. Non mais ne t'inquiète pas, ici aussi ça mâche la moitié de la conversation. Hein. Bah mais vous mâchez liquide, j'ai l'impression. On n'a pas beaucoup de mâche, non. Ouais, d'accord. Et il n'y a pas de guacamole, j'ai vu. Non, pas encore. Sans salsa pour l'instant. Bon, ouais. Oh, il va arriver, t'inquiète. C'est une honte. C'est une honte, il devrait y avoir du guacamole sur chaque épisode. Mais à la troisième partie, il y aura guacamole. Quand tu viendras, on se rattrapera. Ah, mais troisième partie, je pense que je vais pas pouvoir être en ligne, donc... Ouais, t'es quatre écouteras, tu t'auras honte quand même. Connard. Enfin, du coup, si tu écoutes, toi, c'est... On te force pas à écouter. Bon, en tout cas, merci... Merci à toi, Tocheux. Merci de m'avoir appelé, les poulets, c'est gentil. C'est normal. C'est toujours un plaisir. Ouais, partagez. Revan nous demande qu'il y a une demi-molle. Oh, ça devrait pas tarder. Non mais Tocheux, après ce que tu fais dans le reste de la soirée, ne nous regarde pas. Moi c'est demi-dur. Laisse-moi faire le tour de la maison et ça devrait pas tarder. On va aller faire le tour au VNB, ça va pas tarder. Sur le VNB, ça va vraiment pas tarder. Ouais, j'ai l'impression que j'ai loupé quelque chose moi quand même hier soir. Ah ouais. C'est pas que hier. ça fait déjà quelques épisodes que ça traîne, mais là. Ça fait quelques temps qu'il y a des serveurs au VNB et putain. Ouais, mais malheureusement. Donc, là, je sais pas si vous avez pas cramé un transistor, les gars. Ouais. Mais je vous entends comme dans une boîte de conserve. Non, mais après c'est peut-être le réseau. Ouais. Moi, ouais, du coup. On va pas trop t'accaparer encore. Ouais. La bise à qui tu sais. Ouais. Oui, la bise à Béa, elle vous embrasse d'ailleurs. Elle a bien rigolé quand elle a entendu si elle voulait du pain. Je le refais. Est-ce qu'elle veut du pain? Mais non, est-ce voilà, qu'elle veut pas trop les... du pain? Faites pas trop les idiots. Qui est con? Qui est con? Allez, je vais vous laisser, les petits poulets. À bientôt. Allez, tchou, bisous. La bonne soirée. Ciao, ciao, la bise. Allez, ciao, bisous. Salut. Donc du coup, voilà, c'était la question. C'est notre ami sociétaire. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir avec Touche. Bah oui. Bon, Ben aussi, mais Touche, c'est notre sociétaire. En même temps, voilà, c'est ça. C'est alors que Pépé... Pépé, de toute façon, il est de Rennes, c'est qu'un gros con. Il fait du covoiturage, il doit se payer en pipe. Hein, il doit faire payer en pipe. C'est ça, ouais, il connaît la sainte bible du routier, hein, bien sûr. Okay. Et Salam Bob. Il doit sucer vénère en plus. Oui, tu sais pas, ensuite, donc, la question sais, aux invités est passée. On va passer donc à la cinquième partie de ce numéro qui n'en finit pas. 1h38, donc... tellement long, ce podcast, mais tellement long. Je crois que lui, il est parti pour faire 3h. Hein. Non. J'ai trempé les lèvres dans le whisky. Et est-ce que le quiz? Non, il est bon. Ouais, j'ai trempé les lèvres dans le whisky. Il est bon, mais alors je vais mourir. Je vais mourir. Non, moi j'ai pris une petite échette. Bon. Allez, bon, mais alors. Non, mais après mon quiz, c'est fini, non? Oui. On arrête tout, hein. Voilà, c'est bon. On arrête, on rentre à la maison. Oui, de toute façon, après le quiz, tu fais durer autant que tu veux. Faut que tu peux. Oh. Autant que je veux, parce que je peux. 30 secondes. Et du coup, bah, on va lancer le jingle et c'est tout de suite à toi après. Bon, thématique oblige. Ah, le Japon. Faut attendre qu'ils reviennent ou... Ah non, bah... On fait des épisodes tellement longs qu'on est obligé d'aller pisser pendant les épisodes, hein, putain. Enfin, j'espère que c'est pissé, hein. Non, alors, je fais une thématique, je vis des LOL. Jeux vidéo. Bah, ouais. Tu vis ta vinaigrette? Oui, je vis ma vie, je vis des bas. Mais surtout, je vis ma vinaigrette. Oula, heureusement je me rassois parce que... Eh, hey, merci Poitapitch. Hey, comment ça va Poitapitch? Si faut, on a des auditeurs à Poitapitch. Ils vont me dire que j'ai un accent raciste. Hein, mais c'est raciste. Merci Paris. Bon, donc j'ai fait... Bruxelles arrive. J'ai fait un quiz sur des jeux vidéo. Que j'ai appelé le meilleur du pire, le pire du meilleur, je crois, sur le conducteur. Oui. El conductor raisonnable. El conductor libre. Libre. La lucha, la lucha libre. J'ai lu une phrase, ça m'a tué. Ça. Et qu'as-tu lu? Il s'est vidé la bite, le nez. Ça fait longtemps que j'avais pas eu le nez. Ah, j'étais tellement heureux quand il y avait David qui était plus petit. Bah, il t'a insulté, mais bon, moi, il est quelqu'un de plus petit. Ouais, bah après, quand j'ai su que mon ami péremptoire, il voulait me noyer, en fait, bravo, quoi. J'aurais pas dit, bientôt t'es sociétaire, hein. Bravo, bravo le respect. Putain, bande de cons. Zéro respect. Ouais, oh, moi, j'abandonne. De toute façon, les Bretons... Non, c'est que... Bon. Podcast Nation. Donc, un quiz sur le jeu vidéo. Revenons au... Allez, ouais. Focus. Focus, ouais. Le pire du meilleur, le meilleur du pire. Donc je suis allé sur principalement sur Steam. J'ai pris des bons jeux. Et t'as pris des jeux de merde. J'ai pris des jeux de merde. J'ai eu du mal à trouver des jeux de merde. C'est difficile de trouver des jeux de merde. C'est formidable ça. Donc j'ai surtout pris des bons jeux. Mais j'ai pris des commentaires pourris sur des bons jeux. T'as essayé de nickel game. Voilà, un peu comme ils font dans 2 heures de perdu avec des commentaires. Voilà, j'ai fait un peu le commentaire de ciné. C'est ça, j'ai fait un peu le même style de truc. Un peu comme la personne qui avait mis 1 sur son Millennium. Donc Donc j'ai pris des gens qui ont mis 1 sur 10 à des jeux qui sont bien sur Steam. Genre il y a dit Agné. Donc alors je vais vous lire les trucs avec les fautes d'orthographe et tout, oui. Histoire de. Ah. Donc alors. Ouh, et les 3 petits points et points d'exclamation. Est-ce que je peux me toucher de façon Non. Des blagues. Si tu veux, je peux essayer de. S'il y a des. Je pensais que tu veux. Je peux me toucher. C'était quoi? C'était paquet de. Paquet de petits points. Paquet de points d'exclamation. Paquet, ouais. Si je vois des trucs comme ça, j'essaierai de faire un petit peu d'adapter. Un peu d'acting. Donc le premier jeu. J'avais jeté ce jeu en Die One. Non, en Die None. Donc D A A Y. Plus loin, N-O-N-E, tu vois, donc c'est un Day One, mais un Die None. Ouais. Sur PS4 Pro, top le jeu. Mais étant revenu sur PC, je me laisse tenter par le rachat du jeu sur Steam, paquet de petits points. Et là, c'est le bug, comme dit Google Home. D'accord. Point d'exclamation. Impossible d'y jouer en bonne condition. Pas de Full HD. Je ne parle même pas de 4K. Pas FR full screen. Ralentissement. Alors, ralentissement avec un R-A-L-A. Tu vois, ralentissement. Ah oui, ralentissement. Ralentissement. Intempestif. Résultat, je ne joue il pas. Il a écrit intempestif comme il faut. Intempestif, écoute, il me le souligne pas. Donc, il doit être bon. Google Docs ne me le souligne pas. Alors, je vais me suicider. Orthographiquement, c'est bon. Ça a l'air pas mal. Résultat, je ne joue pas au jeu. Non, bah, si, ça marche pas. Tout ça, le CCI a accent. Pourquoi? Oui. Alors, je suis trop bourré pour comprendre, monsieur. Et bien triste pour ne pas dire inacceptable. Inacceptable. Alors, à votre avis, de quel jeu s'agit-il? Alors, Revan sur le chat, elle propose FIFA machin. Non, ce n'est pas un FIFA. Moi, je dis, je dirais à toutes les réponses, Nier Automata. C'est Nier Automata. J'ai eu mon point, ça y est, ouais. Allez, je vais compter les points. Non, ça y est, j'ai eu mon point. Ça y est, parce que maintenant, je vais... Le problème, c'est que pour les gens qui ont suivi les projets, tout ça, je citais Jérémy. Oui. Je voulais tuer. Justement, c'est ce que j'allais dire après, que dans les parties de... Oui, de sports, c'était tout le temps... Je suis... voilà. Ouais. Même quand il est mort, c'est Jérémy, tu vois. Parce que je viole les cadavres, bien évidemment. Gandalf, un point. Donc, j'ai eu mon point, ça y est. Maintenant, le prochain jeu, il pourra me proposer. Bonjour, c'est des gens avec des ballons. Nier Automata, bien évidemment. Comme dirait Rayman. Bien évidemment, c'est FIFA machin. Mais non, c'est Nier Automata. Donc, l'indice dans le commentaire était que c'était un jeu qu'il avait sur PS4, voilà, monsieur. C'était ça qui m'a un peu... Parce que le Nier Automata sur Steam, c'est un portage, en fait. Tu vois, je suis à deux doigts de la chatoune, là, et... Oula, ça fait longtemps que t'as pas... Donc c'est un très bon jeu, Nier Automata, mais ce monsieur était pas content. Après, il était mitigé. Visiblement, il était un peu chafouin. Il était chafouin. Mais tu sais que chafouin, ça ne veut pas dire... Oui, ça veut dire triste, en fait. Non, chafouin, ça veut dire espiègle. Oui, c'est vrai, voilà, pardon. Oui. Ça ne veut pas dire du tout... Triste. Ou... Chafouin, ça veut dire espiègle, un peu farceur, tu vois. L'utilisation du mot chafouin dans notre langage est extrêmement mauvaise, mais c'est marrant comme mot, quand même. Oui, c'est vrai que c'est un mot rigolo. C'est un mot qui pourrait gagner au jeu des mots rigolos. Alors, on va essayer de passer... Hop, on va passer au deuxième. Allez, le deuxième. Donc j'ai deux commentaires, j'ai pris deux commentaires, parce que le premier, bon... Pour le même jeu ? Ouais, pour le même jeu, parce que avec le premier commentaire, bon, je vais essayer de vous laisser le temps de répondre, mais bon. Alors, c'est un PUX, P-E-U-X. Hein ? C'est un peu. Ah oui, un peu. Mais P-E-U-X, un PUX. Un PUX, un peu UX. Comme un bon jeu, mais codé avec le cul. Du coup, nul à chier. Alors, codé avec le cul, deux points, slash, tu vois, La plupart des jeux Capcom, c'est ça, donc déjà, c'est pas éliminatoire. C'est un peu comme un bon... C'est un peu comme un bon jus, mais comme un bon jeu, pas jus, jus. Comme un bon jux, parce qu'il y a un X aussi, il y a jeu. Et si tu veux un bon jus, on a original, tu vois. Quitte à mettre un X à peu, autant mettre un X aussi à jeu. Même si on parle que d'un seul jeu, on met tout au pluriel. Mais codé avec le cul, du coup, nul à chier. Bien évidemment. Donc je vous laisse le temps de réfléchir, de me donner une réponse chacun. Après, je vous passerai au deuxième commentaire. J'alimente mon buffer de jeux mal codés. Moi aussi, s'il y a des trucs sur le chat, comme ça, parce que comme moi, ça marche pas très bien. Oh, il y a Revan, hein. Non, comme ça, moi, j'alimente mon buffer de jeux mal codés. Comme ça, hop. Genre un petit peu, comment ça s'appelle, le jeu là où t'étais dans la glace, là, j'ai plus le nom de Capcom. Pas Lost World, j'ai plus le nom. Où t'étais dans un robot, t'étais dans la glace et tout. J'ai plus le nom. Mais bon, bref, c'est pas grave, je laisse. Je crois que tu vas chercher très loin. Le chat n'a pas de réponse non plus ? Non. Okay. Alors, deuxième commentaire. Jeu 100% fait pour les Russes et les Chinois. Des armes qui ont, sans le T, ont ou N, une distance négative. Le mec il tire à lui-même. Et tire à l'envers. Ouais. Ouais, des distances négatives, 1 sur 2, donc 1/2. On dirait un rapport sexuel avec moi. Et des temps de rechargement bien trop longs, sans compter. On dirait un rapport sexuel avec moi. Sans compter. Que même les menus bug. Non, j'ai pas de menu. Bref, paquet de petits points, pardon. Bref, gardez votre argent pour autre chose. Du genre une cage pénienne ou pour Star Citizen. Une blague sur Star Citizen, je m'en remets. Il dit une cage pénienne ou Star Citizen. Ah non, mais Star Citizen, c'est une arnaque. Enfin, c'est... Ben voilà. Oui, mais Star Citizen est-il codé avec le cul? Vu la bêta, vu l'alpha. Bon, je vais pas en parler plus parce que ça va m'énerver, mais je suis comme toi, tu vois, ça vite tout vite m'énerve vite. Mais là, alors visiblement c'est mal codé. Déjà, c'est ça peut être un bon indice. Alors, indice, c'est mal codé. Un jeu avec des armes qui bug. PUBG. PUBG. Évidemment, parce que chez moi, je l'ai sur un processeur double cœur. Et autant te dire que quand c'est un jeu que tu joues un week-end sur deux et que un week-end t'as 10 gigas de mise à jour, c'est ça, et le week-end après t'en as 20, tu te dis enculé, on n'est pas prêt de jouer. Et c'est un jeu où tu peux tirer à travers les murs, mais c'est en négatif. Bref, voilà. Mais il est bien quand même, il est sympa, il est marrant. J'ai écrasé un mec avec un tout fou, alors. Alors, le jeu suivant. J'aime beaucoup ce jeu. Elle tire derrière Evan Moody. T'inquiète pas, c'est pas les seuls. C'est déjà un gros indice. J'aime beaucoup ce jeu. Ah. Là, c'est un jeu bien déjà. Souvenez-vous, hein. Le pire du meilleur, le meilleur du pire. Là, c'est un jeu qui est un minimum bien. C'est-à-dire que déjà, il a un petit peu de. Voilà. Pas forcément. Ah, oula. Et j'en suis très satisfait. Ah, vous avez mais depuis ses débuts en version alpha en 2016. Oula, c'est pas Star Citizen parce que ça c'est 2067. Je conseille l'achat à tous les amoureux d'exploration, de farming, de fantastique et plus encore. Avec Seven Days to Die, il fait partie des jeux auxquels je reviens après une période relativement courte de pause afin de découvrir des nouveautés. C'est un peu une fois que t'as trop trombiné ta copine, t'attaques un peu parce qu'elle a un peu la chatte. Depuis 2016, sur la plateforme Steam, je conseille l'achat de ces jeux. Oh, en étant oui. sûr que vous ne regretterez, mais avec le « et » accent grave, regretterez pas votre argent. Les essayer, c'est les adopter. Donc il parle de Seven Days to Die, qui cite dans le commentaire plus de ce jeu en question. Alors déjà, je vois c'est un jeu qu'il a l'air de beaucoup aimer. Déjà, je vois même pas le jeu de base qui cite à la Seven Days to Die. Seven Days to Die. Je vois pas ce que c'est déjà, donc je ne sais pas trouver le jeu de base. Hein. Le jeu qui c'est des jeux vidéo, je vais pas trouver non plus, donc... Alors, franchement, je pense qu'on va faire 4 heures d'épisode. Comme c'est le meilleur du pire, le pire du meilleur, là j'ai pris un commentaire très positif sur un jeu qui a des évaluations assez négatives. Donc à vous de me sortir un jeu qui aurait une évaluation négative, a priori depuis qui aurait eu une alpha en 2016. Un jeu de mer, Fanel. Non, c'était pour faire chier les gens autour de la table. Là-dessus, c'est sûr qu'il y en a quelqu'un qui rigolait moelle. Trop alcoolisé pour réagir. Tu vois, Tocheux, il t'a tapé. Mais moi, j'ai pris de l'avance. C'est la part de Tocheux. C'est la part de Tocheux. Tocheux rigolait parce que tu m'aurais tapé un jeu en 2016. C'est... Un jeu qui aurait eu une alpha en 2016, d'après le commentaire du monsieur. C'est pas Star Citizen, déjà, en tout cas. Donc, c'est un jeu plutôt reste. Enfin, pas très très vieux, oui. A priori. Starbound, peut-être. Non, mais j'ai bien Starbound, il est bien. Bah oui, là, je cherche un jeu pas très très. Enfin, avec des évaluations plutôt négatives. Est-ce que tu peux donner les plateformes? Steam. C'est connu Steam? Je sais pas s'il est sorti sur autre chose. Faudrait que je recherche. Est-ce que je peux te citer? Parce que vous savez, Gandalf80. Alors, Gandalf80 a deux buts dans la vie. Enfin, a deux marottes dans la vie, c'est les femmes. Et leur cul. Mais ne jamais les baiser, plutôt, voilà, plutôt, hein. On va quand même, voilà, les femmes, ils les aimaient, mais ne jamais les baiser, et les Kickstarter loupés. PS4, Xbox One, a priori, il est sorti aussi. Et Gandalf80 a un jour donné de l'argent à un magnifique jeu, fait par Kenji Inafune, qui est le père déguisé de Megaman, en fait, ce n'est pas le... Père de Megaman, mais c'est juste Mighty No. 9, mais il n'y a pas eu d'alpha, mais quand même, il souhaitait non, dire quand même. Pas Mighty No. 9. Voilà, parce qu'il souhaitait quand même dire quand même qu'il avait donné de l'argent à cette merde. Il n'a toujours pas joué d'ailleurs, parce qu'il a une faculté à choper la chiasse trop importante, donc il préfère éviter. Alors, je vais vous répéter un petit peu les. Ouais, vas-y, refais les deux. Il n'y a qu'un seul commentaire. Hein. J'aime beaucoup ce jeu et j'en suis très satisfait depuis ses débuts en version alpha en 2016. Moi j'ai une copine moche et tu serais donc bien. Alpha 2016. Je conseille l'achat à tous les amoureux d'exploration, de farming et de fantastique, et plus encore. Avec Seven Days to Die, il fait partie des jeux auxquels je reviens après une période relativement courte de pause afin de découvrir les nouveautés. Depuis 2016 sur la plateforme Steam, je conseille l'achat de ces jeux. En étant sûr que vous ne regretterez pas votre argent, les essayer, c'est l'adopter. Un jeu alpha. Il y aurait eu une alpha 2016 avec de l'exploration et du farming. Et franchement, je sais pas ce que c'est, mais alors. De l'exploration. C'est pas le. Spatial. Exploration spatiale. Ah. Oh ! Ah, t'essaierais pas de nous enculer, c'est pas le jeu qui est sorti sur Play 4 là ? J'ai dit Play 4, PS1, Steam. Ah putain, qu'ils en avaient fait tout un foin là ! Ah, t'as un morceau. Qu'a des couleurs chatoyantes là, non, c'est ça? C'est un morceau. C'est pas le jeu indépendant que PS4 que les mecs ils ont fait croire qu'en fait c'était fait par des et qu'en fait les mecs ils étaient deux. C'était peut-être un dé. Ouais. Oui, c'était un dé. C'est ça, mais oui, qu'ils en avaient parlé à l'E3. Ils en avaient parlé à l'E3, bien sûr. Tout était généré procéduralement là. Que t'avais des milliards de problèmes, mais tout était pareil. Exactement. Mais oui, putain, comment il s'appelle ce putain de jeu? Toi, t'as un ordi, tu triches. Tu peux chercher, tu peux trouver. Je suis en train de chercher justement. Un an après, il y a une mise à jour de ouf en plus. Mais les mecs, comment ça s'appelle? C'est pas Sky Horizon? Non. Non, c'est Sky. Il y a Sky, hein. Il y a Sky. Ah, oui. Dans le chat, avec Lendy, c'est Sky. Un jeu d'exploration spatiale avec le mot Sky. Je vais vérifier ce qui se passe sur le chat. Sky Citizen. Ah non, pardon. C'est pas ça. Merde, mais ça me dit un truc. No Man's Sky. No Man's Sky, exactement. Putain, mais quelle enculerie ça aussi. Ah, quand même. Je pense que vous le retrouverez plus facilement que ça. Hein. On est bourré. Oui. Oui. Enfin, bah après, moi, c'est des jeux, donc j'ai pas forcément. Mais après, de ce que j'ai lu, c'est qu'en fait, ça a été poussé par Sony. Oui. Par Sony. Ouais. Comme quoi, c'était un gros triple A. Ah, ouais, mais c'était. Alors que les mecs, ils étaient. C'était une petite équipe, mais ils disaient, oh putain, c'est une révolution. C'était Gandalf 80 qui se branle dans une remise. Quoi. J'ai pas acheté le jeu, mais il était dans ma wishlist Steam. Et il est resté, non? Ouais, il a été viré de ma wishlist Steam, mais c'est vrai que après ce qui avait été montré avec le 3, moi j'avais dit waouh, ça a l'air sympa. Moi j'étais hypé un peu. J'étais mitigé, enfin l'ensemble du monde du jeu vidéo était assez mitigé quitte à ce jeu, donc au propos de ce jeu, donc j'étais mitigé mais optimiste. Mmh. J'étais un optimiste par rapport à ce jeu, je me disais si, il y a moyen que ce soit quand même sympa, on sait jamais, mais bon voilà, je l'ai pas acheté et je regrette pas de ne pas l'avoir dépensé 50€ pour ce truc. En gros, c'est toutes les heures, c'est la même chose, les premières heures. C'est un peu comme avec ta copine quand tu fais comédie. Alors, Revan sur le chat dit 00741857906698 étoile 2. Autre message 856 + 415767 06. C'est ton numéro de carte bleue ou... Non, et ensuite elle fait oups, pardon, il y en a sur le clavier. Écoute, si j'en foutais sur le clavier, à chaque fois ça faisait comme ça, chaque fois que j'en foutais sur le clavier, je peux te dire qu'il y aurait des mecs qui auraient reçu plein de messages bizarres. Alors, on va passer au jeu suivant. Alors, j'ai pris un commentaire qui ne vous aidera pas du tout. C'est pour ça que j'ai pris un deuxième commentaire. Ouais, qui aide un peu plus. Bah, qui pourrait vous aider un petit peu. Premier commentaire. Dans le genre immonde de merde, je ne connais pas mieux, ce jeu est à chier. Un jeu vampire. Voilà, donc c'est un commentaire de merde pour un jeu... Bien. Des merdes. Bien. Bien, qui bien. Minecraft. Voilà, donc tu m'as dit Minecraft, c'est non. Est-ce que tu as une proposition? Un jeu vampire. Et je sens pas hier, c'est non. On va regarder le chat, on va attendre un petit peu, essayer de réfléchir un petit peu. Si bon, mais Revan, il joue sur son clavier, alors. Mais quoi, moi j'ai déjà joué sur mon clavier, mais j'ai nettoyé, et puis c'était bon. Puis bon, c'était pas de la mouille, de toute façon, c'était un peu plus solide, ça, c'était plus simple. Après, oh, elle merde. Oh, merde. Ouais, je me casse. Mais je me casse, y'en a marre. Donc, le deuxième commentaire. Je vais repisser. Moi, j'ai envie de pisser, mais j'ai un quiz à faire, monsieur. Moi, c'était pareil tout à l'heure. Alors, deuxième commentaire. Encore des chiens qui forcent l'utilisateur à acheter plusieurs exemplaires, sans compter tous les DLC, qui ne sont que des micro-maps avec une jouabilité de 35 minutes, à l'exception du... Mais c'est beaucoup plus que Modern Warfare 3, hein. À l'exception du... Je vous dirai pas, sinon ça vous donne un trop gros indice. Donc un jeu avec un chien. Putain, mais... Non, il n'y a pas de chien dans le jeu. Encore des chiens qui vous forcent à l'utiliser pour... Ah, encore des chiens, ouais. D'accord. Ah oui, d'accord. Il y a marqué des chiens, hein. Moi je lis. Ah oui, oui, oui. Alors, il a toujours été possible de jouer en split screen à... Mais visiblement pas ici. Paquet de petits points. Génial si vous voulez jouer avec Dikiku ou tout seul. Sinon, c'est mort pour les soirées entre potes. Déjà, il y a Dikiku. Merci de tuer vos jeux en les transformant en pompe à fric. C'est un scandale. On ne peut même pas jouer à plusieurs à un jeu coopératif qu'on a acheté. Ouais, c'était en majuscule. Ah, alors que transformer Gangadaf 81 en pompe à sperme, c'est pas difficile. jeu qui a des microtransactions. Qui a beaucoup de DLC. Qui a beaucoup de DLC. Ouais. PD2. Que tu... Non, c'est pas PD2. Ah, j'y ai pas pensé. Ah putain, il est qu'il y ait pas. Mais PD2, il n'y avait pas de split screen sur. PD2, je sais pas. Tu peux jouer à multilocal? Je suis pas sûr. Donc c'est un jeu auquel tu peux jouer. En tout cas, il y a une chute DLC. Oui. Donc c'est un jeu. Bon, il y a une chute DLC aussi sur ce jeu-là, hein, je te rassure. Hein. Donc encore encore des chiens qui forcent l'utilisateur à acheter plusieurs exemplaires, sans compter tous les DLC qui ne sont que des micro-maps avec une jouabilité de 35 minutes à l'exception du. Ouais, je dirais un Battlefield ou. Il a toujours été possible de jouer un split screen, mais visiblement pas ici. Un Call of ? Génial si vous voulez jouer avec des Kikou ou tout seul. Sinon, c'est mort pour les soirées entre potes. Merci de tuer vos jeux en les transformant en pompe à fric. C'est un scandale. On ne peut même pas jouer à un jeu coopératif qu'on a acheté. Un jeu coop qui ne l'est plus. Et ouais, non, c'est pas Payday, mais oui, c'est un bon jeu. Payday. Alors, je suis allé pisser il y a un certain temps. Et je suis allé pisser il y a un certain temps. Et j'ai toujours une tache au t-shirt. Oui, mais ferme la porte quand tu dis à la chasse. Oui, mais faut bien que je sorte. Oui, je mais sorte. Ferme la porte. Oui, mais faut bien que je sorte. Oui, mais tu fermes la porte quand. Oui, mais faut bien que je sorte. Ça va agrémenter l'audio. Mais oui, c'est bien. Tu sais, moi, c'est une chasse d'eau intelligente, en fait. Elle remonte, elle arrête de couler quand tu t'arrêtes d'appuyer dessus, en fait. Ah, t'as pas besoin d'appuyer longtemps. Ouais. À la fin, t'appuies une fois et ça tombe un petit peu, quoi. Mais je sais m'enlever la tâche. Non, mais si t'as tâché ici en pissant dessus, c'est que. Ah, mais non, mais je sais pas d'où elle vient, ça, là. Alors, un jeu avec beaucoup de DLC. Dans le cul, on est d'accord. Bah, non, du coup, c'est. Revan proposait PD, mais. Non, elle proposait PD. Paday. Non, ce n'est ni Payday, ni Paday. C'est un jeu à peu près dans ce site-là. Alors, c'est un. C'est un FPS. Oui. C'est un FPS avec beaucoup de DLC. Où tu joues à plusieurs. Team Fortress 2 coopératif. Coop Coop. C'est pas du versus. C'est pas du multi. C'est en coop. C'est en coop. Par équipe. C'est pas du. Non, c'est pas Overwatch. C'est pas du Overwatch. Non, je pensais à tout ce qui est Battlefield et. C'est vraiment du style de Payday. C'est un groupe de joueurs. Contre le jeu, 4, comme Payday. Putain, il me semble que c'est 4 le maximum. Un truc de zombies. Left 4 Dead. Ouais, je pense. Alors, il peut y avoir des DLC avec des zombies. Left 4 Dead. Il peut y avoir avec des zombies. Ouais, c'est tordu quand même. Oui, donc ça veut dire que c'est pas forcément, mais c'est un truc qui est Call of Duty. Cherche pas de. Left 4 Dead, non, ce n'est pas Left 4 Dead. Ce n'est pas Call of Duty, s'il vous plaît. Ce n'est pas Call of Duty, c'est du versus. T'es une équipe contre une autre. Ah, bah tu peux te battre contre des zombies. Hein. Oui, mais c'est. Peut-être, mais c'est pas du versus. Ouais, c'est pas le. C'est du coup de base, ils disent justement. Je vous laisse encore. Une réponse chacun, après j'essaierai de vous donner un indice supplémentaire peut-être. Super Mario Odyssey. Ce n'est pas Super Mario Odyssey, il n'y a pas eu de DLC, contrairement à ce que les gens attendaient à l'E3, il n'y a pas eu de DLC de Super Mario Odyssey. Je nique le game. F du coop. FPS, coop. L'habit à Gandalf. Dis l'habit à Gandalf. Non, je ne l'ai pas. Mais dis l'habit à Gandalf. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, à l'exception du. Dans le commentaire, donc je vais vous le lire. Alors, encore des chiens qui forcent l'utilisateur à acheter plusieurs exemplaires, sans compter tous les DLC qui ne sont que des micro-maps avec une jouabilité de 35 minutes, à l'exception du cratère de la brutasserie des Brutas. Hein ? C'est le nom du DLC traduit. C'est dommage, parce qu'en anglais, il est vachement mieux, quoi. C'est le badass. Vas-y, redis la traduction. Le cratère de la brutasserie des Brutas. C'est Borderlands, ça ? C'est ? Borderlands ? Le 2, non ? Borderlands 2, exactement. Putain, ça me remonte à l'esprit. C'est Borderlands 2. Tu vois, c'est un peu comme quand tu fais des réminiscences, tu vois, tout me remonte à l'esprit. Mais de toute façon, je suis trop bourré, ça va continuer. Donc, je sais pas. Je vais faire croire que j'ai compris. Oui, j'ai dit ça tout à fait. Donc le monsieur avait un peu une haine envers Borderlands 2, ce qui est dommage parce que c'est un excellent jeu. Oui, et je suis totalement d'accord avec tout ça. Que personnellement, je vous recommande vivement. Il y a des gens qui s'abonnent à moi, mais je sais pas. Peut-être pas les DLC, c'est à vous de voir, mais... Mais non, tu l'as pas dit, Revan, oui, tu l'as pas marqué. Alors, on l'a pas vu sur le chat si ouais. Tu l'as écrit, c'est pas passé. En tout cas, j'espère que vu le jeu de mots que j'avais fait à l'avant-dernier épisode, le 12.3, j'espère qu'elle a écouté. C'était un jeu de mots sur Revan, comme ça. Mais elle était sur le chat. Non, elle était pas, justement, il y avait personne sur le dernier épisode qu'on avait fait. Enfin, pas le. Là. Non, hein, non, non, non, non. Au 12.3. Alors, épisode suivant, j'allais dire, mais non, pas encore. Hein. Non. Il me reste encore pouf, tout ça de commentaires. Attends, je. Alors. Difficulté complètement bête. Graphisme laid. Le carré van. Vous avez 98% de chance d'avoir des items de merde. Des merdes. Les boss sont complètement nuls. Plus combo RNG. Le jeu est vide, est vide sans DLC. Bref, n'achetez pas cette merde. Zelda Breath of the Wild n'est pas sorti sur Steam, donc c'est vraiment de la merde que j'en vois. Alors tous mes jeux ne sont pas des jeux uniquement sortis sur Steam, attention. Oui, oui, c'est les commentaires que tu as pris sur Steam. Ah, mais en plus, c'est des. Il y a des commentaires, je suis allé les chercher sur Steam, il y a des jeux qui n'étaient pas sur Steam, je suis allé chercher des commentaires sur Metacritic et voilà, j'ai un peu traduit. Mais t'essaies de nous la faire à l'envers en plus. Non, c'est parce qu'il y a Breath of the Wild dans mon quiz, mais il n'est pas encore passé. Ouh, il n'est pas passé dessus encore. Voilà. Mais là, c'est un jeu qui est sur Steam. T'as acheté, c'est ta chose. Celui que je vous ai dit là. Si, c'est un peu que c'est la faute à Gandalf. Fuck aux auditeurs. J'encule les auditeurs, mais tellement fort. Tellement brutal. Je vois pas, franchement. Genre. Difficulté complètement bête, graphisme laid, vous avez 98% de chance d'avoir des items de merde. Les boss sont complètement nuls. Plus combo RNG. Donc, du coup, du. Le jeu est vide sans DLC. Bref, n'achetez pas cette merde. Diablo. Oui, ce que j'allais dire, Diablo 3, parce que. Non, des armes de merde, mais si tu me regardes avec cette tête, c'est que c'est pas ça. Non, ce n'est pas Diablo 3. Mais c'est. Fuck toi-même. Ou pas du tout. Absolument pas. Est-ce que toi aussi tu baisses des auditeurs? Non. C'est... Oh, mais tu baisses personne. De des auditrices façon. À la rigueur, mais des auditeurs. Est-ce que j'en ai à foutre à leur petit cul? Non. T'es quoi comme style? Alors, on va dire que c'est du roguelike. Je sais pas. Je sais pas. Ouais, parce qu'il y a Rogue Legacy. Voilà. Ben Ego Fizak. C'est ça? Oui. Afterbirth. Non, c'est juste le Binding of Isaac. Le classique. Bon, il là, je sors ma bite. Binding of Isaac, ouais. Effectivement, c'est un jeu complètement bête avec des graphismes. Je vais sortir ma bite. Vous avez 98% de chance de mourir. Helicobit devant vous. Attention, Helicobit, maintenant. Attention. Ce monsieur n'était pas très content de son achat de Binding of Isaac. Alors bon, par contre, il y a eu Dewey sur le chat, il aurait encensé le jeu. Est-ce que c'est un excellent jeu. Mais oui. Mais je l'ai sur Switch, moi. C'est un très très bon jeu, The Binding of Isaac, Rebirth, Afterbirth, ce que vous voulez. Mais attends, je vais arrêter de jouer avec les capsules. Tu fais du bruit. Ça serait pas mal. Oula, il est bientôt que 19h. Oula, dis donc. Oula. Alors, on va passer au jeu suivant, du coup, puisque vous avez trouvé celui-là. Ce jeu est une catastrophe. Je n'ai jamais vu un jeu aussi vide de toute ma vie. Simulation de randonnée, on n'en est pas loin. Firewatch. Le jeu a des chutes de framerate insupportables. Qui rendent le tout injouable. Firewatch. La console vient tout juste de sortir et elle montre déjà ses limites. C'est dingue. Ah, donc c'est de la Switch. Comment ce jeu à la ramasse techniquement... Oh, je suis pas pris forcément des jeux côté. Ah oui, non, mais oui, c'est sur Steam. Alors, comment ce jeu... C'est pas forcément que des jeux Steam. Il a dit aussi. Comment ce jeu à la ramasse techniquement... comment ce jeu à la ramasse techniquement et où on ne... Oui, où on passe son temps à courir sans croiser quoi que ce soit pour recevoir la note de 20 sur 20, c'est impensable. Quelque chose de louche se cache derrière ce 20. De meilleurs jeux existent depuis le début de l'histoire du JV. Le bail. Du JV majuscule. Du JV. mais c'est le seul qui reçoit la quand note ultime. Quand tu joues, tu dis ça, JV. Vraiment pitoyable. Bien sûr, je ne doute pas que mon avis sera supprimé dans les plus brefs délais. Mario Odyssey. Non. Non. En plus un. Ma bite. Une randonnée, donc c'est un truc d'exploration. Moi je dis Firewatch. Mais c'est trop simple. Parce que lui il a le regard un peu. Un peu coquin là. Ouais, il a coquin. Les auditeurs ne le voient pas, mais il est coquin. Alors que moi je suis legit. Moi je les encule que pas derrière. J'ai arrêté de compter les points, mais t'as en fait, oui, t'as bon, il a marqué les points. Il a marqué tous les points en fait. Mais je sais pas, de toute façon je suis trop bourré pour. Enfin, il pourrait gagner, je dirais. Ça m'étonnerait, c'est des jeux donc. un jeu, il compare ça à un jeu de randonnée, non, c'est un jeu d'exploration. Mais Firewatch, bordel de merde. Mais c'est le bordel de merde. Mais c'est Firewatch, bordel de merde. Je dirais GTA. Non. Ce jeu est une catastrophe, je n'ai jamais vu un jeu aussi vite de toute ma vie. Simulation de randonnée, on n'en est pas loin. Bah, tu sais que je me râle, le mec il aurait le framerate insupportable qui rend tout le tout injouable. Injouable. La console vient tout juste de sortir, elle montre déjà ses limites, c'est dingue. Mmh, c'est un truc de pédale. Comment ce jeu à la ramasse techniquement et où on passe son temps à courir sans croiser quoi que ce soit pour recevoir la note de 20 sur 20. Sonic. C'est impensable, quelque chose de louche se cache derrière ce 20. C'est un Sonic. De bien meilleurs jeux existent depuis le début de l'histoire du JV. Sonic Mania. Mais c'est le seul qui reçoit la note ultime, vraiment pitoyable. Bien sûr, je ne doute pas que mon avis sera supprimé dans les plus brefs délais. Moi j'aurais dit Super Mario Odyssey, mais... Non, ce n'est pas... Mais ça, je crois que j'ai déjà dit. Tu l'as déjà dit trois fois, je crois. Mais je suis trop bourré pour comprendre ce que je dis. Raven dit Portal Knight. Quoi? Quoi? Portal Knight? Portal Knight, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je dirais Chivalry, mais... Connais Portal, je connais Portal 2, je connais le dernier Portal où il faut construire des ponts. Hé, j'ai un gros zizi. Mais Portal... Hé, j'ai un gros zizi. Je vais essayer de regarder ce qui passe sur le chat. Alors, j'ai pas d'autres commentaires pour vous au sujet de ce jeu, c'est... Ah. Est-ce que tu peux donner plus d'indices? Est-ce qu'il y a des homosexuels? Je dis ça parce qu'on est... C'est quoi le style du jeu? LGBTQIA+. Alors, le monsieur, il dit que c'est un simulateur de randonnée, on n'en est pas loin. Oui. Go home. C'est un truc d'exploration. Gone home. Bon, après, il y a Firewatch, je me suis déjà cité. Portal Knight, c'est une dope. Ah, d'accord. Je ne connaissais pas, je regarderai ce que c'est. Un simulateur. Donc, vous avez compris que c'est un commentaire extrêmement négatif. Mmh. Sur un bon jeu. Sur un bon jeu. Breath of the Wild. Donc le monsieur dit, mais bien sûr. Oui, Breath oui, of the Wild. Le monsieur dit que ce jeu a eu 20 sur 20. Mais oui, c'est Zelda Breath of the Wild. Là, je prends la prochaine Zelda et bim, bim, bim, bim, bim. Ah, Zelda, oui. T'as jamais vu ça. Mais c'est normal, je suis derrière toi. Et voilà. Ça y est, il a fini le monsieur de faire des choses bizarres avec... avec sa voix. Oui, avec sa voix. Alors, je suis bon. Hop. Je n'ai jamais joué au jeu de cette Sega. Africa. Mais de ce que j'en ai vu, il est très différent. J'ai été agréablement conquis par le jeu. Par la jeu, pardon. Oh, grand mieux. Son histoire, son rythme, il alterne entre exploration, survie, combat et gestion de base de personnel et parfois tower d'enfance. Il y a un gain d'intro. Oui, ça revient au commentaire de Raven qui dit une dope pour les enfants, quoi. Tower d'enfance. Merde, j'ai refermé mon doc, putain, le con. On va combler. Hop, c'est bon. IKEA, Ebidi. Oh, j'ai dit combler, j'ai pas dit meubler. Hein. Mais aussi parfois tower d'enfance. J'y ai passé pour l'instant une vingtaine d'heures. Alors oui, le jeu est difficile. Le début est difficile, mais accrochez-vous parce qu'après, c'est du bonheur. Petit bémol, il faut une connexion internet Il faut une connexion internet même pour le mode solo. Et les serveurs déconnectent parfois, mais vous ne perdez pas d'item. Ça, c'est Diablo 3, ça. Mais vous ne perdez pas d'item. Justement, c'est une bonne critique, donc ça veut dire que c'est un mauvais jeu. Ah oui, c'est vrai que Diablo... Bah, quoique Diablo 3... Ouais, Diablo 3, mais quand il est sorti... J'ai plus entendu de bonnes critiques. Ah ouais. Diablo 3 maintenant, ça va, il est stable, mais au début du jeu, ils ont fait... Quand il est sorti, c'est pris des tombereaux de merde, hein, parce que moi j'étais sorcier, je tombais... Ils ont essayé plein de trucs au début sur le jeu, avec notamment le loot très très salaire. Le loot ultra aléatoire, ouais. Et puis l'hôtel des ventes en argent réel, où tu pouvais acheter des items à 1 euro. Ça a un peu fait grincer des dents. Aujourd'hui, c'est vrai. Ça n'existe plus. Mais heureux, parce que... Bref, au moins... Là, je pense que vous le trouverez pas. Ma bite. Je trouve jamais ma bite. La bite à King Kong. Mais vous êtes drôle, monsieur. Donc c'est un jeu, voilà, c'est un jeu. Donc le monsieur n'a jamais joué au jeu de cette saga. Africa. Il y a une saga. C'est un jeu qui fait partie d'une saga. Final Fantasy. Hein? C'est une saga nulle ou il n'y a que ce jeu qui est nul? Final Fantasy XV. Je sais pas, j'ai jamais joué au jeu de question. Ah ouais, c'est pas Final Fantasy. Je me suis déjà pas joué. Mais de ce que j'en ai vu, il est très différent. Donc c'est un jeu qui est très différent par rapport au reste de la saga en question. C'est pas Is. J'ai été agréablement conquis par ce jeu, son histoire, son rythme. Il alterne entre exploration, survie, combat, gestion de base et de personnel et parfois tower defense. Donc tout ça, ça fait pas... Assassin's Creed, Kelly. Ça fait... Non, pas Assassin's Creed. Metal Gear. Lequel? Metal Gear. Solid Snake. Lequel? Peacemaker. Lequel? Peacewalker. Lequel? Bah deux. Alors non, vous avez la Sega. Et vous avez la saga. C'est moi qui ai la Sega Saturn. Vous avez la saga en question. Il s'agit de la saga des Metal Gear. Mais je vous demande donc ce jeu... Non, c'est pas le Beatwalker, c'est le... C'est pas un jeu où on joue pas... C'est celui qui est sorti sur Play 4, c'est... Ce jeu dont, on alterne entre exploration, survie, combat et gestion de base... Ah, Metal Gear Survive. Metal Gear Survive. Tu vois, c'est quand tu Metal jouir, mais Survive. Ouais. C'est-à-dire que tu jouis, mais en même temps pour survivre. Toute ma vie. Évidemment. Elle picote un peu la sauce au fromage, hein. Oh, ah, j'ai pas goûté, mais... Je vais t'attaquer avec des bouchoutés. Alors attention, le prochain jeu, on va attaquer par un... j'ai deux commentaires, mais j'ai été obligé de prendre le premier parce que... Il était bien. Ah bah il était bien. Premier commentaire. Oh mais il reste de la bière encore. Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Rien que pour cette phrase qui résume, alors, qui résume tout, je conseille. Voilà. Voilà. Juste ça le jeu. Ouais, le commentaire du jeu c'est mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Rien que pour cette phrase qui résume tout, je conseille. South Park. L'anneau du destin. Non. Jurassic Park 2. Mais Jurassic Cock. Jurassic Cock. Là non, je... Autant il y aurait un petit peu d'indices, ouais, autant là... Est-ce que vous avez une proposition avant de passer au commentaire suivant? Celui-là, j'ai juste pris parce que, bon, mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. J'avoue que celui-là, quand même, se laisser passer, quand même. Dino Crisis 2. Dino Crisis 2, c'est non. T'as dit? Oui. Non. J'ai dit n'importe quoi, tu peux me dire... Mes couilles sur ton nez 2. C'est non. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Voyons, on va finir par avoir un accident ici. Alors, on va essayer de passer au deuxième commentaire. Pour moi, ce jeu reste un très bon sequel. Honnêtement, il répond à tout ce qui a fait le succès du jeu original des années 90 en mieux. Plus quelques additions au passage, que je trouve bienvenues. Quake. Le jeu... Doom. Le jeu a été très décrié par la critique uniquement à cause du retard cumulé avant sa sortie, ce que je trouve ridicule. Duck Nukem Forever. Duck Nukem Forever, allez, boum! Ça, c'est fait. T'as vu, il y a ceux qui se font sucer, et il y a ceux qui sont une grande connaissance JV. Ben, j'ai une grande connaissance JV. Ah bah oui, hein, une grosse connaissance des JV où les gens, ils disent, mais écoute, sur ton nez, t'auras l'air d'un amour. Dieu sait que je préférerais me faire sucer. Et que j'aimerais lécher aussi. C'est un autre débat. Allez, jeu suivant. Jeu suivant, hop, ce jeu est vraiment mal foutu, tu cherches pendant 15 minutes à mettre 3 putains de lasers de merde dans 3 cibles, tout ça pour te rendre compte que c'était pas comme tu as fait. Ce jeu coûte 20€, certes, mais en comptant le prix du nombre d'écrans explosés, il devrait être gratuit. Portal 2. Portal 2. Raven avait Duck Nukem. Ah, bah je mets un petit point au chat, allez. Enfin, elle avait Duke Nukem. Forêt verte. Forêt verte. Alors attention, là, on va y passer une demi-heure. Oh, c'est mieux que... À moins que j'ai deux commentaires, mais le deuxième commentaire, c'est un pavé qui fait la hauteur de mon écran de l'écran de ma tablette. Hein, donc, À part si vous trouvez avec le premier... Alors, le premier commentaire. Déçu. Il tourne à 15 FPS en low sur ma GTX 1080 Ti. Ok. Ah mais que ça. C'est tout. C'est tout. Est-ce que vous avez une proposition? Moi, je dirais Final Fantasy 14, mais... Final Fantasy 14 et... Dino Crisis 1. Dino Crisis. Toi, tu cites des jeux un peu vintage. Je vous répète le commentaire. Déçu, il tourne un 15 FPS en low sur ma GTX 1080 Ti. En même temps, pourquoi il n'aimait pas en high? Con. Donc, deuxième commentaire. La hype autour de ce jeu m'est incompréhensible. Peut-être je n'ai pas suffisamment joué pour pas venir à la révélation scénaristique qui changera la donne, mais les trois pénibles heures de jeu que je me suis infligées me donnent pas envie de continuer une minute de plus. Beaucoup font l'éloge d'une histoire profonde et intelligente, de personnages attachants, voire émouvants. Mais je n'ai vu, moi, qu'un simulacre de scénario, non seulement sans intérêt, mais surtout enfantin et niaiseux au possible. S'il y a un truc dans le chat, tu me dis. Hein. Non, il n'y en a rien. Le fameux humour, ou l'aperçu que j'aurais pu en avoir, n'est qu'une stupide accumulation de blagues carambars. Le système de combat, largement insensé, m'a lui aussi laissé dubitatif. Les compétences diplomatiques. Hein, ou a priori, hein, les compétences diplomatiques échouent systématiquement lorsque j'y avais recours et m'ont rapidement poussé à n'utiliser que les options offensives pendant les combats, aussi intéressants que ceux des premiers Pokémon. Surtout, j'aurais éventuellement pu envisager de laisser une seconde chance à ce jeu si la vitesse de défilement des textes n'était pas si désespérément lente. Aucune option n'est disponible pour adapter celle-ci aux préférences du joueur. J'ai passé une bonne partie du jeu à taper frénétiquement sur ma barre espace pour tenter d'accélérer un peu les choses, pendant que le jeu distillait au compte-gouttes les dialogues imbéciles, tentant aussi bien que mal de transmettre un semblant d'émotion. Malheureusement, n'afficher que 2 lettres par seconde ne rendra jamais aucun dialogue plus touchant ou plus subtil qu'il ne l'est réellement. Enfin, si la laideur des graphismes n'avait à l'origine pas été la cause de rejet, je considère que ce n'est pas le plus important lorsqu'un jeu possède d'autres qualités. Je dois bien admettre qu'il ne s'agit pas non plus d'un point fort. Bref, à mes yeux, ce jeu n'a rien pour lui et je me trouve à court d'hypothèses pour expliquer son succès. Il y a Revan qui propose Skyforge. Mais non, c'est Divinity. Non. Oh, j'aurais pu dire. Ouais, j'étais les deux pieds dedans, les deux pieds dans la merde. Enfin, dans la merde. C'est merde, mais je te comprends. Par rapport au dialogue ? Oui. Non. J'ai pas envie de vous le relire tout le pavé. C'est normal que les femmes fassent des trucs contre les femmes. Enfin, je vais que lire. Hein, mais... Il y a Revan qui dit sur le chat, tain, c'est vraiment une gonzesse. Trois petits points pour babla autant et ne rien dire. Mais les femmes, ceux-là pour s'encaisser des grosses quêtes. Elle dit qu'elle a pas trop aimé le jeu. Mais les femmes, ceux-là pour s'encaisser des grosses quêtes. Elle a dit qu'elle a pas trop aimé le jeu pour lequel il tourne à 15 FPS en low sur ma GTX 1080. C'est la même personne qui fait le commentaire. Non. Ah. C'est le commentaire. Croisé. C'est un bon jeu. Oui. C'est un bon jeu qui tourne en low sur une 1080. 15 FPS en low sur 1080. Je vois pas ce que c'est. Hein. Revan rajoute Divinity, acheté, testé, rejeté. J'avoue que celui-là, faut quand même un revient un peu. Voilà. Ah, Divinity, c'est des bons jeux. Ah, mais complètement. Je suis pas complètement d'accord. Divinity 2, enfin, moi j'ai beaucoup aimé Divinity. Divinity 14. Divinity 2. Non, je. Alors, c'est un jeu, donc a priori, où il y a des combats avec des options offensives ou diplomatiques, un jeu avec de l'humour carambar, d'après le commentaire. Je dirais masturbation effect. Un jeu où, a priori, au niveau des graphiques, c'est pas fou. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Puisqu'il dit que, bon, ça peut ne pas rebuter s'il y a d'autres qualités, mais bon, là, c'est quand même... Enfin, ouais. Mais c'est quand même... voilà. Est-ce que ça peut rebuter? Je dois bien l'admettre qu'il ne s'agit pas non plus d'un point fort, hein, elle dit. Hein, voilà. Voilà. Voilà. Pas mal de dialogues. Les Sims. Tour par tour, je suis pas fan. Trop de temps. Ah oui, ouais, c'est un système de combat particulier. Mais... Les Sims 114. Non. Donc un jeu qui... même en Ultra HD sur ta 1080 Ti, il tournerait en 15 FPS. J'allais dire Dragon Quest, mais non, c'est pas sur PC, donc... Je l'ai tapé, là. Direct, tu connais ton fan de toi sur Dragon Quest, toi? Bon, après, la madame qui dit que c'est une tentative de diplomatique qui échoue systématiquement, bon, c'est parce qu'elle est pas très très douée, parce que... C'est une femme, quoi, c'est ça? Ça se fait. D'accord. C'est une femme. D'accord. C'est compliqué, mais ça se fait. Moi, je l'ai fini, le jeu, en étant diplomatique. Oh, mais c'est Undertale! Mais bien sûr. Il a fini! Une fois qu'il s'est fini, le jeune, ah ben, c'est facile à retenir! C'est facile. Je l'ai pas fini en mode génocide. Oh. Il a pas voulu tuer tous les spermatozoïdes. Non, c'est que je suis bloqué au boss final en mode génocide, mais en mode trou pacifiste, j'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu en trou neutral, en pacifiste, et je l'ai pas fini en... Quand ton cheveu vient, médaille. Scottise, médaille. Raven dit taper. Taper, bah ouais, mais tu peux jouer barbare dans Divinity si tu veux. Hein. Ça marche très bien aussi. Moi, la prochaine copine que je vais avoir, elle va entendre le mot taper, oui. Alors, jeu suivant. Alors, ce qui a fait le succès de ce jeu, c'est son ambiance oppressante. Alors, oppressante avec un seul P. Bizarre. Oppressante. Mais non, parce qu'il y a un accent sur le E. Ah, okay. Ça vient quand même. C'est quand même oppressante. Et sombre dans un univers steampunk très réussi, dont je reconnais la qualité. Cependant, le gameplay est vraiment moyen. Les combats sont mous. Et peu prenants. Et le jeu devient vite répétitif. Je ne pense pas que ce jeu soit un mauvais jeu, mais il est clairement surévalué. Pour moi... Pour moi, un jeu moyen avec les meilleurs avec un E accent, tu vois, meilleur. Graphisme de meilleur, la meilleure histoire et les meilleures musiques du monde, ça reste un jeu moyen. Un jeu moyen avec les meilleurs graphismes, la meilleure histoire et la meilleure musique du monde, ça reste un jeu moyen. Oula, je refais la phrase. J'ai envie de le citer quand même, parce que c'est Deus Ex Human Revolution. Non, ce n'est pas Deus Ex. Mais c'est pas grave. Je sais plus le nom du jeu, mais le jeu où tu as des super pouvoirs et que tu peux, par exemple, prendre possession des rats. Je sais plus comment il s'appelle. Pardon ? Merde, comment il s'appelait ce truc ? Là, franchement, tu m'as déposé. Je vois pas. Ils sont partis, enfin je sais plus, j'ai pu avoir... Watch Dog. Non, c'est un... Watch Dog. C'est un jeu d'époque. Revan est heureux. Ouais, elle cherche un clopipo. C'est un jeu d'époque où t'as des calèches avec les chevaux et que... ils ont créé justement avec un pouvoir, ils peuvent prendre possession de la calèche ou du cheval pour faire plein d'actions. Tu m'as laissé à Toulouse, je suis sur place. Je suis pas revenu. C'est pas un FPS ton jeu. J'ai pas joué, je sais pas. Ah. Là. C'est le Stunfest. Je lis les trucs qu'il y a sur ton ordinateur. Bah, dépêchez-vous, il va falloir que j'aille pisser moi. Oui, bougez-vous. Bah, Dino Crisis 4. Putain, il y en a 4. Non, 2 sur. J'ai vérifié, mais. Dino Crisis 2. Il l'a déjà dit tout à l'heure. Donc... Oui, mais je le répète, c'est pour que tu passes à la résolution de l'énigme. J'ai pas d'autres commentaires pour ce jeu. Mais je crois qu'on trouvera pas parce que là, donc c'est un jeu à l'ambiance oppressante et sombre dans un univers steampunk. Moi j'aurais dit Outlast, j'aurais dit Shadowrun, j'aurais dit. Donc il balance des jeux à l'ambiance oppressante et sombre dans un univers steampunk. Assassin's Creed. Mais non, c'est pas un blé. Blah. Narden. Il dit qu'on prend rien. C'est une saga ? Ah, il y a plusieurs jeux en tout cas. Il y a plusieurs jeux ? Ouais. Cold Rain. Shadow of Mordor. Steampunk ? Ouais, mais ça m'aide pas. Tron. Mais Tron, c'est pas steampunk ? Un jeu steampunk. Bioshock. Bioshock, exactement. Ouh ! Le ? Là, j'étais sur Bioshock. Hein, ouais. Bravo, Lastico. Pour ça. Steampunk. J'avais. Voilà. Steampunk, ouais. Bioshock. C'est vrai. Non, mais il a raison. Oppressant, sombre, Bioshock. Oui, enfin, oui. Non, mais oppressant, c'est... sombre et steampunk. Je me suis ça dit me... que le commentaire pouvait vous orienter. J'étais trop plus sombre pour que ça me remonte à l'idée, mais ouais. Je suis totalement d'accord. Alors, le suivant, je crois que j'ai 3 commentaires. Ma bite. Donc, premier commentaire, le jeu est sympathique si vous voulez perdre du temps. Bon, ce jeu de merde. Beaucoup que. Non, le jeu est sympathique si vous voulez perdre du temps. Dino Baby Crisis. Oh, c'est le prequel. Ouais. Dino Baby Crisis 2. Je sais pas. Non, tout court. C'est la ligne sûr. Je sais pas. Commentaire suivant. Des bugs, une montagne de bugs. Ce jeu s'apparente plus à un simulateur de bugs qu'à un RPG. Ouais, ah, lui, c'est RPG. C'est Final Fantasy XIV. Non. Putain, j'avais aligné mes doigts. Hein. Et j'étais sûr. Hein. Final Fantasy. Hein? Final Fantasy. Hein? J'adore ce jeu, mais là, pas qu'il y a de petits points, vous m'avez dégoûté. C'est un superbe jeu, mais qui avait énormément, de mon point de vue, besoin de mode. Fallait vraiment que vous trouviez un moyen de vous faire du blé sur le dos de passionnels. La prochaine fois, vous vendrez directement la version bêta du jeu. Tant de développement, je sais pas, c'est écrit de manière un peu aléatoire. Tant de développement moins cher, bravo. Attendrons quelques jours pour que les premiers modes sortent et se feront du blé sur le dos des fans qui auront passé plus de temps que à corriger leur merde. Paquet de petits points. C'est écrit en majuscule. Gros. Gentiment, on va glisser vers un modèle économique type microtransaction comme sur portable. Tout le monde sait qu'au moins 90% des joueurs utiliseront un mode pour tester ce que ça donne. Faites le calcul. Bref, bravo, vous êtes devenus de véritables escrocs. Ma bite. Alors, un jeu qui avait des modes, qui n'a plus de modes, qui a passé les modes en truc payant. Diablo. Mais non, c'est GTA V. Il n'y a jamais eu de mode dans Diablo. Moi, j'ai GTA V. Pas de mode dans les jeux Blizzard. GTA 4. GTA 3, GTA 2. Call of. GTA ma bite. Far Cry. Non. Mais non. On se rapproche. Far Cry, on se rapproche. On n'y est pas, mais on se rapproche. C'est un FPS ? Mais c'est pas ça que je veux. Tiens la première personne ? Bon, oui, du coup, c'est un FPS. Tiens la troisième personne ? T'as déjà tiré la troisième personne ? On va dire FPS, mais c'est une mauvaise voie. Oui, c'est pas un shooter, mais tu vois la première personne. Fallout. Tu peux. Fallout 3 ? Fallout 4 ? C'est un jeu de tir ? Non. Non ? Moi, j'aurais dit Fallout. Non, ce n'est pas Fallout. Oui, il a dit que c'est pas un jeu de tir. Bah, le 3 et le 4, c'est en troisième personne. Un quart en première personne. Oui, mais c'est pas un jeu de tir. Bah, ils sont en première, ça. C'est pas un jeu de tir. Bah, t'as l'impression. Oui, mais c'est pas un jeu de tir. Bah, les cons, ils ont l'impression. C'est pas un jeu de tir. Fallout, tu tires. Et je vais te montrer comment on tire, tu vas voir. Non. Avec des modes. Ma bite. Je sais pas non plus. Sur un clocher. Je sais pas pourquoi je l'aurais mis sur un clocher. The Fallout, c'est une piste. Hein. Skyrim. Oh. Mais ça a toujours été première personne. Enfin, depuis longtemps. Bah, tu peux passer à la troisième personne aussi dans Skyrim. Hein. C'est vrai. Ouais, bon, enfin, depuis mon oui, même. Tu peux choisir de jouer à la première ou à la troisième même personne. Même Daggerfall, c'était première personne. Hein. Et les mecs, ils étaient pas nés. Hein. Moi, déjà, j'avais déjà du mal à me. C'est pour ça que FPS. Oui et non, c'est pas un shooter, mais c'est une first person. Mais pas shooté. Et Fallout, oui, bah oui, c'est Bethesda, mais. C'est vrai. C'est la même chose, mais médiéval. Mais pas pareil. Alors putain, là c'est un commentaire en anglais, mais. Ouf. Il va falloir que je lise le commentaire en anglais, ça va être compliqué. Tu es bien. Ou sinon tu le passes, hein. Non, je vais y arriver. Donc. Il va falloir essayer de... Je commence à avoir chaud. Vous êtes bon en anglais ou pas ? Pas du tout. Ok. Yet another mental illness. Another game talking mental illness. Ouais, donc un autre jeu qui parle de la santé mentale. Ouais, continue. Just like all indie games from the past couple of years. Donc un jeu venu du passé de quelques années. Non. Just like all indie games. Comme un vieux jeu. From the past couple of years. C'est un vieux jeu qui n'est pas un goût. Comme un vieux jeu, un vieux jeu de comme tous années. Les comme tous les jeux indés qui sont sortis depuis quelques années. Ouais. C'est la plateforme. It has that same disappointing story revolting around the same subject just because it's easy to create a story around it. Ouais. C'est là. The same note. Limbo. The same note progression that makes 90% of the soundtrack. Couple of bad controls will drive you to insanity, but at least you will know what mental health problem you have by the time you complete the game. Thème hospital. Non. Trop de mots. Donc le monsieur dit a encore un putain de jeu qui parle des troubles mentaux. Oui. Comme tous les jeux ND qui sont sortis depuis quelques années. Va vite. Ce jeu, il tourne encore autour d'un sujet, du même sujet. Journée. Du même sujet pourri que comme tous les jeux, parce que c'est très facile de faire un jeu là-dessus. Et après, il dit la même note fait 90% de la bande-son du jeu. Quelques mauvaises commandes dans le jeu vont vous guider vers une insanity, donc vers un pétage de câble, mais au moins vous saurez de quel pétage de câble vous souffrez puisque le jeu parle de mental health. Le commentaire m'a fait rire, mais c'est pas facile. Sims legit. Ouais, vous ne trouverez pas. Je pense que vous ne trouverez pas. Du moins, la fin de l'épisode. Il m'en reste que deux jeux. Vous y avez sûrement. Enfin, vous n'y avez pas joué à ce jeu, donc vous savez même pas qu'il parle de. Outlast qui parle de mental health. Outlast? Non. Depression? Of the Deep? C'est du plateforme, de la plateforme 2D. Meat Boy? Non. Limbo? Non. Ma bite. Non. Fez. Non. Le truc, non, ma c'est bite. Une journée. Tournée, non. Mais non, une journée, c'est en 3D. Ma bite. Fait par Matt Makes Games, avec une BO de Madame Lena Raines. Lena Raines. Céleste. Ah, ça parle de mental health. Ben, oh, je ne savais pas. Tu vois, j'apprends des trucs. Bon, en même temps, il fallait bien qu'il lui arrive un truc, parle de mental health, si tu veux, plus ou moins, parce qu'il me parle d'un espèce de double d'elle-même dans le jeu, quand même. D'accord. Et moi, j'aimerais bien qu'elle ait un double d'elle-même, parce que ça pourrait faire une partie à trois. Alors, jeu suivant. Ce jeu manque beaucoup de choses sur le gameplay. Point positif. Combo facile à faire. Graphisme, ok. Ok. Point négatif. Tu fais une seule erreur, ça y est, à un seul bout, hein. S-A-Y-E-Z. Hein. Pourquoi s'emmerder ? Ça y est, tu te fais prendre mid-life ou S par l'adversaire inversement avec les combos. Il n'y a pas de virgule, pas de point, donc je sais pas ce qu'il veut dire. L'histoire est nulle. Nulle ! Nulle, pas nulle, nulle. Nulle. Nulle ! Et l'IA ! Sans majuscule. Hein. Bah c'est l'IA. Hein. Sont des débiles profonds. Il tapasse. Le body block, l'aile, L-E-L. Merci les développeurs de Génie, G-E-N-I-S. De Génis. De Génis. C'est-à-dire qu'ils font des petits. Ah, les DLC, 100 balles. Mais pourquoi t'écris sur DLC quoi. DLC, c'est écrit en majuscule. Normalement, c'est écrit en majuscule. Moi, ce qui est écrit en majuscule, je dégueule. 100 balles, sans S. Pour tout avoir avec des champions copiés comme jamais. Copiés comme jamais. Ils sont pas foulés. Il y a Raven sur le chat qui dit Blade and Soul. Ah non, Blade and Soul c'était fun comme jeu. Enfin, Stephen, c'était. C'était pas mal, ouais, ça va. C'est trop basé PVP. C'était bien, mais c'était trop basé PVP. Donc DLC 100 balles pour avoir pour avoir des champions copiés comme jamais, ils se sont pas foulés. ... entre parenthèses arnaque. Street Fighter. Non. Mais non, il y a pas de champion, qu'est-ce que t'es con ? Moi je dis c'est Overwatch. C'est pas Overwatch, il y a pas de DLC dans Overwatch. C'est vrai. T'es con. Mais je suis une grosse tafiole. Je vois pas le rapport. Mais je le dis quand même. C'est parce que j'ai un LGBTQK maintenant, non, tu comprends mieux. Oh, moi je sais pas, moi tes jeux vidéo, là, tes trucs là, avec les mecs. Ah, c'est un jeu assez récent. Hein. Les femmes qui se tabassent, tout ça. Moi j'ai envie de dire. Putain, comment il s'appelait ce jeu ? Et j'avais envie de te faire une blague là, mais je me rappelle pas le nom du jeu. Je jouais Destroyer. Là sur Bleed and Soul, tu jouais Destroyer, je sais plus qu'est-ce que c'était le Destroyer. Moi je jouais la classe avec qui se battait avec un petit chat, c'était l'invoqueur. Je vais essayer de lui rappeler un jeu vidéo qu'il a certainement oublié, tu vois. Est-ce que tu te rappelles un jeu vidéo ? Tu sais, c'était comme Overwatch, mais c'était fait par les développeurs de Borderlands. Est-ce que tu te rappelles ? Je sais même plus comment ils s'appellent. Hein. Oui, qu'ils étaient vautrés, mais... Ah oui, Battleborn ! C'est Battleborn ? Oui, c'est Borderlands. Oui. Bon, pas là, hein, mais... Putain, ça aussi, ça, c'était une... Et après, il y avait Agent of Mayhem aussi. Non, un jeu de combat. Street Fighter 5. Un jeu de combat. Street Fighter 5. Avec des DLC. Skullgirl 5. Le monsieur, il a pas l'air d'aimer le jeu, quoi. Donc, c'est un bon jeu. King of Fighter. King of Fighter. Smash Bros. Non, non. Plus récent. C'est un jeu récent. C'est un jeu très récent. C'est un jeu de cette année. King of Fighter 5. Non, ça c'était non cette année, yes. Un jeu de combat de cette année. Ouais, de mémoire, il est sorti quand même cette année. Je crois pas qu'il soit sorti tout le temps sur un jeu de combat, regarde. Pas de combat parce que ça date de vieux. Un jeu de combat, ça fait plus de 2 ans que ça sort. DC. Injustice, il est sorti l'année dernière. C'est sorti avant, ouais. Il me semble qu'il est quand même sorti très récemment. Marvel vs Capcom. Non. Infinite. Non, c'était. Non, je ne sais pas. Non plus. Un jeu. Guilty Gear 2018. Mais non, on a un truc quand même plus facile. Mais non, Street of Fighter. Non, c'est pas Street. Street of Fighter 30 Anniversary Collection. C'est pas du Street. C'est un jeu qui va sortir sur Switch. Ah bon ? Oui. Super Smash Bros. Mais là où ? Il sortira sur Switch. Il est sorti sur PC et sur console, mais pas encore sur Switch. Super Smash Bros. Melee parce que ça sortira sur PC. Je sais pas là, du coup. Un jeu de combat de cette année ? Ah, il me semble qu'il est sorti cette année. Oui, il est sorti au mois de mars. Putain, si tu manges, tu tapes. Allez, comme ça, je dirais de mars. Gang Beast. Mars. Mais ouais, voilà, j'ai bu un petit peu. Hein, donc, Gang Beast. Non. Sur le chat. Le chat, oui, mais le chat il est mort. Il est mort, chat. Allez, quand même. Quand même, Asahi. Je sais pas, moi, c'est toujours compliqué. Un jeu de combat sorti. Mortal Kombat. Sorti. Il n'y en a pas un qui est sorti cette année. Crois-moi. Pas si longtemps que ça. Soul Calibur. Non. Dead or Alive. Non. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. DBZ de. Dragon Ball FighterZ. Dragon Ball FighterZ. Et c'est Revan sur le chat. Hein. Dragon Ball machin, mais bien sûr, Revan. Mais il est trop bien. Ouais, mais je l'ai dit avant. Hein. Mais oui, c'est pour ça que j'ai pris un commentaire pourri. Putain, mais les mecs, ils comprennent rien, quoi. C'est vrai qu'il est sorti cette année. C'est vrai qu'il est sorti au mois de mars, non ? De mémoire, je l'aurais dit mars. Oui, oui. Oui, mais parce que j'ai vu le... Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu Naruto et ça m'a fait penser à... Oh non, mais c'est Naruto, Toboruto. Mais c'est ça. C'est quoi le truc qu'ils ont annoncé le 3 là avec, ouais, Naruto, Toboruto. Non, non, mais le truc où il y a Naruto, il y a One Piece, il y a... Ah oui, non, mais ça c'est un Joint Jump, ça, c'est pas pareil. Ah oui, le Jump... Ouais. Qui a l'air bien moche, bien craquant. Oh, certainement. Ah, Revan dit 3 points pour moi. 3 points, oh bah si tu veux, allez, 3 points. Allez, on n'est pas fâchés. De toute façon, j'en ai fait ça 50, c'est ça. De toute façon, t'en as 10. Oui. C'est plus gros que 8. Non, allez, non, dernier, dernier, dernier, dernier, dernier. Oh. Dernier, après, on peut aller pisser parce que. Oui, mais je te l'ai dit, il y a 3 heures. On est à combien? 2h40. Merde. J'y suis allé deux fois, je vous laisse la place. Mais alors, mais les gars, va pas falloir louper le tir. Parce que JPP, mon pas. JPP. Alors, pourquoi je n'aime pas ce jeu? C'est de la merde. C'est très lent et trop riche. Ah, trop riche. Après à peine 4 heures de jeu, je m'ennuie à mourir. On passe la grande majorité de notre temps à parler aux PNJ qui nous racontent leurs histoires et nous donner des quêtes. Xenoblade Chronicles. Rien de très nouveau, mais dans ce jeu, des dialogues sont vraiment à rallonge. Et j'en ai vite eu marre. Vite eu marre. Je trouve franchement l'histoire sans intérêt. Le système de combat assez abscon. Le mec a casé abscon dans un commentaire. C'est bien. Figure de si j'avais voulu lire si j'avais voulu lire autant, j'aurais ouvert un bouquin clairement pour les hardcore role players. Les autres passaient votre chemin. Raven propose Black Desert. Ouais. Non. Ce n'est pas Black Desert. Oui. Ouais, parce qu'un dessert noir. Black Desert, non. C'est-à-dire que c'est un noir qui éjacule dans un dessert. Bon. Ouais. Révélation online non plus. Dragon Quest Hero Seto. Non, je n'ai pas Dragon Quest. Dragon Quest. Moi je dirais. Non, Dragon Quest. Dino Reasonable Crisis. Non. Mais j'achète la licence. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Exactement. J'ai dit ça, ça existe, mon pote, Tu t'as le droit de me bim, quoi. C'est un jeu avec, a priori, le monsieur s'ennuyait et il disait qu'il préférait lire un livre. Quitte à avoir autant de textes, il préférait lire un livre. Gone Home. Non. C'est drôle parce que c'est vrai. Maintenant, il n'y a pas de texte dans Charlie Parable. Ah, Stanley Parable. Stanley Parable. Oh, c'est pareil, Charlie. C'est pareil, c'est ta fille. Alors, il y a des combats, mais ce n'est pas un jeu de combat. Ce n'est pas un jeu de combat au sens Dragon Ball Fighter Z. Oui, c'est pas du combat. C'est, non. Tu peux avoir du combat. Il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre. Moi, je dis Destiny, bébé guerre. Destiny. Ce n'est pas Destiny. Bagarre. Mais si c'est pas ça, bagarre. Rien à foutre. Ce jeu a beaucoup de textes, hein, a priori, où il y a. Il y a de la lecture. Ah, il y a de la lecture, hein, putain, ça. Ouh, t'inquiète pas, quand tu viens chez moi, il n'y a pas de la lecture, il y a surtout de l'apprentissage, hein, il n'y a que du tuto. Il hein. y a de la lecture, il y a des choix à faire. Enfin, voilà. T'es comme ça, toi. Le tuto. Et donc, le combat, c'est pas un truc principal du mécanisme. Ah bah si, mais c'est pas un jeu de combat. C'est pas, oui, c'est, ouais, d'accord, c'est pas un jeu de combat, mais il y a des combats fight ou pampan. De combat. Attends, Captain Evidence. Il y a des combats. Non, il y a pas de. Non, mais c'était comme ma tête. C'était comme ma tête. Il y a pas d'arme à feu. Il y a pas d'arme à feu. Non. Et il se tape dessus. Shenmue. Nous Shenmue. 3. Ouais. Non, Watch Dog. Ce n'est pas chez nous, Mais non, Watch Dog est des armes. Non, c'est un jeu sans arme à feu. Ah, sans arme à feu. Non, il n'y a pas d'arme à feu. Oula, c'est bien trop. Hardcore comme le Nord. Futuriste, médiéval, fantastique. Alors, on est médiéval, fantastique. Hein. On en est dans un univers Medfan. Chivalry Medfan. Non, il n'y avait pas d'armes. Bah, Chivalry, il y a des armes, il dit pas d'armes à feu. Pas d'arme à feu, je dis. Ah, il n'y a pas d'arme à feu. Pour ça, Medfan, oui, il n'y a pas d'arme à feu. Non, ce n'est pas Siege. Ouh, j'ai cru au début, il était là avec son stylo. J'ai cru qu'il allait. Bon, de toute façon, t'as qu'un point, donc je peux te laisser marquer. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est Gandalf qui a gagné. Oui, il est à 10 points, il a trop d'avance. Ah, pour une fois que je gagne. Je vais reprendre un petit peu le truc. Pourquoi je n'aime pas ce jeu? C'est très lent et trop riche. Donc, c'est un jeu avec un univers riche. Après à peine 4 heures de jeu, je m'ennuie à mourir. On a passé une grande majorité de notre temps à parler aux PNJ qui nous racontent leurs histoires et nous donnent des quêtes. Rien de très nouveau, mais dans ce jeu, les dialogues sont vraiment à rallonge et j'en ai vite eu. Dragon Age. Je trouve franchement l'histoire sans intérêt et de système de combat assez abscon. Il y a Raven qui me pose, est-ce qu'il y a des petits animaux que l'on peut tuer? Regarde mon œil. Si j'avais voulu lire autant, j'aurais ouvert un bouquin, clairement pour les hardcore roleplayers. le jeu, les autres passent à votre chemin. Là, je vais sortir ma grosse bite, bien évidemment, je vais la mettre sur la table, et là, je vais dire Xenoblade Chronicles 2. Non, ce n'est pas Xenoblade Chronicles 2, ce n'est pas Vampire qui a été proposé dans le chat. Eh bien, je remballe ma bite et oui, je rentre chez moi. Il y a des petits animaux qu'on peut tuer, on peut même leur parler aux petits animaux si on se débrouille. C'est pas les violer. C'est pas Dragon Age, c'est un truc du style. C'est un RPG du coup. C'est un RPG. Final Fantasy. Final Fantasy. Non, ce n'est pas FF14. FF14, c'est pas. Enfin, FF14, c'est pas mettre fan. Si, je sais pas. Un peu quand même. Ah ouais. Ouais, un peu. Ouais, c'est pas la qualité principale. Ce n'est pas du FF. Dragon Quest 11. Non, ce n'est pas du Dragon Quest 11. 14, c'est ? Non. Il n'existe pas ! Witcher 3. The Witcher 3, non, ce n'est pas The Witcher. Est-ce qu'il y a une sorcière avec des gros nichons ? Non, ce n'est pas The Witcher 3. Alors, tu peux pas gérer la taille des nichons du personnage. Du RPG. Enfin, à peu près. Enfin, c'est pas du RPG, ah, mais est-ce qu'on style... peut... Ouais, si, on peut. C'est du jeu de rôle. C'est du jeu de rôle. Donc, style, rôle. Du coup, Witcher, Dragon Age, c'est à peu près dans le même style. C'est du jeu de rôle. Clairement, le monsieur dit dans son commentaire que c'est pour les hardcore roleplayers. Donc, oui, c'est pas pour les Redemption, mais non. Non, il est pas sorti. C'est pas de mettre fan. Il y a des armes à feu dans Red Dead Redemption. Oui, c'est vrai. Déjà oui. C'est oui, Far West. Est-ce que c'est Is? Il y en a trop. Is? Oui, il y a trop de jeux de ce. Moi, je dis Is, je pense. Is7. Vite. Allez. Oui, bon, du jeu de rôle pour hardcore roleplayer où il y a des petits animaux, on peut les tuer. On peut Pokémon aussi, peut aussi leur parler aux petits animaux. Mais moi je les encule les Pokémon, Pikachu, Si tu as pris la compétence pour. Si tu connais la compétence pour leur parler. Donjons et Dragons. Tu peux leur parler. Pardon Neverwinter Night. C'est pas Neverwinter. C'est dommage parce que c'est... Camelot. Non. Mais qu'est-ce que tu as enculé les animaux? Je sais pas. On va faire un décompte. 3. Ah, je vous laisse une dernière réponse chacun. Ma bite! Réfléchissez bien, je vous relis le commentaire une dernière fois. Pourquoi je n'aime pas ce jeu? Il est très lent et trop riche. Après à peine 14, putain, mais j'y arrive pas. Après à peine 4 heures de jeu, je m'ennuie à mourir. On passe une grande majorité de notre temps à parler aux PNJ qui nous racontent leur histoire et nous donnent des quêtes. Rien de très nouveau, mais dans ce jeu, les dialogues sont vraiment à rallonge et j'en ai eu vite marre. Je trouve franchement l'histoire sans intérêt et le système de combat assez abscon. Si j'avais voulu lire autant, j'aurais ouvert un bouquin. Clairement pour les hardcore roleplayers. Les autres, passez votre chemin. Bordel. Moi, c'est un bon jeu. D'accord. C'est une critique. C'est un bon jeu. Enfin, ça dépend pour qui. Ah. Pour moi, c'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. Espèce de petite salope. Pour des gens dans le chat, c'est un moins bon jeu. Holy Divinity 2. Divinity 2. Bah oui, puisque Revan elle aime pas. Je sais pas, j'ai la tablette éteinte. Oui, mais tout à l'heure, elle parlait de Divinity 2 en disant qu'elle avait pas aimé. Tu vois ? Oui. Le chat a tort. Le chat a tort. Pour moi, c'est un très bon jeu, Divinity 2. Monsieur Gandalf. Et voilà. Et voilà comment j'ai trop niqué le game. Et maintenant, il y a des petites qui vont venir et il ne va rien se passer. Parce que forcément, c'est des petites. Il y a un Merzin, Merzin sur le chat qui dit en vrai, c'est le genre de com que je lis sur quasi tous les MMO RPG auxquels j'ai joué. C'est vrai que c'est un peu bateau. Oui. Peut-être. Je voulais essayer de vous mettre sur la piste avec le univers riche, avec beaucoup de dialogues. Pillar of Eternity. Hardcore. Pillar of Eternity. Westland 2. Par ça, je voulais essayer de vous mettre sur la voie du Divinity. Ouais. Bon, ça n'a pas marché. Fin de mon quiz. Du coup, on va enchaîner rapidement avec la musique parce que vous allez pisser sur toi, et après moi j'y vais parce que JPP du cul. J'ai les jambes croisées, je peux pas les croiser plus. Allez, hop, dégage. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu: descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Et maintenant, chions. Donc, c'est Gandalf qui a gagné le quiz quand même, hein. 11 points. Le chat, 3 points parce que. Parce que voilà. Parce qu'elle en a eu 3 d'un coup, Evan et Azertov, 1 point. Ouais, bip. Donc. Bravo.